Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Eh bien le bonsoir à tous et bienvenue ce soir donc dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30. Ce soir ça va être une émission sous le charme, non pas parce que Onissa est là, mais ça pourrait être une émission sous le charme parce que Onissa est là, parce que évidemment à chaque fois elle véhicule le charme. Bah, bref, faut arrêter parce que j'arrête. Mais on sent que tu sais pas quoi dire en fait. Voilà, mais surtout parce qu'on retrouve Onissa qui était pas avec nous avec la semaine dernière pour des petits problèmes de santé pas bien graves. Ah ouais, mais vous m'avez manqué quand même. Bah, mais j'avais plus de voix, donc c'était pas la peine. Bah ouais. Ah, parce qu'une gastro, ça t'empêche d'avoir de la voix alors. Parce que nous, oui, parce que à force de. Bah, ça fait mal au corps. Elle parle comme un cul. Donc. alors on connaît Canon. Et vous avez reconnu la voix de Canon. Alors on va commencer évidemment, courtoisie oblige. On va commencer par Onissa. Bonsoir Onissa. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué la semaine passée. Je vous aime tous. Ah, tu nous as manqué. Enfin, ta voix nous a manqué. Oui, le reste. Si, physiquement, tu nous. Canon, comment ça va? Enfoiré. Donc, Onissa qui est avec nous ce soir, évidemment, pour cette belle émission. Alors, on va parler de nos invités juste après, évidemment, mais on va continuer à faire un tour de table. Un qui s'est fait prier là ces derniers temps, parce que pour des raisons professionnelles, et on peut le comprendre, évidemment, il y a plein d'autres choses à faire, évidemment. Artiste oblige, c'est notre ami Canon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis très très content d'être là et de vous retrouver. Vous n'avez pas vieilli? Non, vous ressemblez. Mais vous ressemblez toujours à rien, mais ça me fait très très plaisir. Eh ben oui, mais c'est pour ça que tu nous rejoins, parce qu'on avait aussi besoin absolument de quelqu'un qui ressemble à rien. Ouais, voilà, j'étais pas là depuis trois semaines. J'étais pas là depuis trois semaines, ouais, absolument. Ouais. Voilà. Eh ben, et tu nous raconteras parce que tu as une belle actualité aussi également. Ouais, pas mal de contrats, pas mal de spectacles. Il y a des choses qui se passent et puis qui vont lier l'émission 80 à l'heure. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, des choses sympathiques. Mais je suis content d'être là. Eh ben nous aussi, ça fait bien plaisir de te voir et c'est vrai. Pour une fois. Oui, ouais, c'est parce vrai. Que, non, mais c'est vrai. Tout parce que la semaine dernière, c'était limite. Je vous écoute parce que, en fait, Sherlock me transmet après. Je peux pas écouter l'émission parce que, je suis allé. Voilà, j'expliquerai tout à l'heure vite fait. Mais c'est pas le but de l'émission. Comment vas-tu, Sherlock? Je suis content de te voir aussi. Ça va, très bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ta chronique ciné ne m'a pas manqué. Mais toi, si, un peu. Eh bien, rassure-toi, ce soir, il n'y en aura pas. Ah. Si, il y a une chronique ciné. Oui, il y a les sorties ciné. Pas rétro ciné. Les sorties ciné. Il y aura les sorties ciné, mais pas sorties, rétro ciné 80, du fait de l'actualité de ce soir. Absolument. Ouais. Alors, actualité ce soir, on peut le dire, effectivement. Attends, t'as pas dit bonsoir, Harry. Ah, pardon, bonsoir, Onissa. Ah, quand même. C'est bien, mais t'es des madame loyale, hein, parce que c'est vrai qu'Harry, on le salue jamais. Bon, personne. Ah, moi, je salue tous les mardis. En même temps, ils ont pas envie de me saluer. Bah, souvent, on me dit, comment t'appelles Harry? Tu l'appellerais, toi? Non, moi, je l'appelle pas, je vais le chercher. Ouais, je vais le chercher. Pas de bras, pas de chocolat. Écoute, c'est bon, on n'a pas Flip 4, donc c'est bon. Tu vas pas rentrer non plus. Je suis à sa place. Je vais faire des blagues. D'ailleurs, on le salue au passage pour des raisons professionnelles, ne sera pas avec nous ce soir. Ah, donc il nous écoute pas, le salue pas. Il peut pas nous écouter là. Si, sur la route, il nous écoute peut-être. Je sais qu'il est sur Arras. Ça y est, c'est parti. Il nous écoutera peut-être en podcast. Voilà. C'est vrai. Absolument, absolument. Donc il faut pas dire de conneries. Donc je le dis quand même parce que moi, je l'aime beaucoup, Flip 4, et il va pas nous manquer ce soir. Bon, donc. Et ben donc, belle actualité ce soir puisque on va recevoir. Alors, en partie grâce à notre ami Canon, puisque évidemment il fait partie aussi de l'événement, et Dieu sait que c'est pas un petit événement, il est connu sur Moucron, et ça fait plus de 30 ans que ça existe, c'est l'élection de Miss Moucron. Je crois qu'il parlait de moi, mais ça fait beaucoup plus de 30 ans. Ah ouais, non, mais toi, oui, évidemment. C'est gentil. Donc, Miss Moucron qui aura lieu le 8 avril, et pour fêter l'événement, on va recevoir quasiment toutes les candidates à l'élection qui vont venir donc une seule ne sera pas là et on la présente. C'est Sylvana qui sera pas là. Sylvana, voilà. Elle Sylvana. Nous écoute, elle est alors elle m'a envoyé un texto, elle est je vais dire des conneries dans le Jura, enfin elle est très très loin. Ouais, elle nous écoute, je pense qu'elle a un examen ou voilà. On m'a parlé de réto. Voilà. Je sais pas ce que c'est mais c'est voyage réto ouais, voilà. On fait de gros bisous et puis c'est vrai que ben je vous parlerai aussi, je fais partie des membres du jury de Miss Moucron et elle n'a pas pu se présenter non plus mais ça ne va pas la pénaliser parce qu'on va faire en fait autrement. Donc Sylvana, si tu nous écoutes, tout va bien. Voilà, prépare-toi tranquillement pour l'8 et puis ça va super bien se passer. Et ben voilà, donc voilà. On la salue au passage. Allez, ton voyage retour. Voilà. Ah oui, non mais complètement. Alors bien sûr, évidemment, on recevra donc toutes les autres candidates. Alors elles sont déjà donc dans les studios, en tout cas dans les couloirs. Il y a Sylvana, il y a Joyce, il y a Camille, il y a Yasmine, il y a Iver, il y a Nadia, il y a Ludivine, il y en a plein d'autres qui vont venir donc se présenter donc ce soir donc en direct de l'antenne de RQC. Alors nous, on aura quand même pas mal de choses à parler. Moi, j'aimerais bien parler aussi, bien sûr, du carnaval de Waterloo. Oui, ouais, c'est un événement. Bel événement. Il va y avoir l'élection du prince du carnaval, il va y avoir aussi la soirée du carnaval, donc évidemment, il ne faudra pas le louper. Il y aura l'apéritif repas de la radio RQC. Ah oui, on en parlera. Et bien sûr, l'élection de Miss Moucron. L'élection de Miss Moucron. Je vous parlerai aussi d'un événement le 15 sur Waterloo. Le Touareg. J'aurai l'occasion de vous accueillir. Évidemment, on en parlera. Je vais me lancer. Absolument. Et donc, tu vas te lancer. Ça fait longtemps que tu t'es lancé, mon ami. Ah oui, mais là, ça va être quelque chose. Eh ben, écoute, je me mets en danger. Ça, ce sera juste après donc, la coupure musicale de notre ami Sherlock, avant de retrouver donc, Philippe et Marianne donc, de l'organisation donc, de l'élection de Miss Moucron, et qui nous parleront donc, de cet événement qui aura lieu donc, le 8 avril au centre Marius Taquet, avec un spectacle en préambule. Notre drame de Paris. Notre drame de Paris. On reconnaît bien l'humour, hein, quand on vous en parle Philippe après. Et Marianne. Eh oui. Eh ben, on va se retrouver tout de suite après une petite coupure. C'est UB40 avec Chrissy Hynde et I Got You Babe. Ah oui, j'adore ça. Allez, c'est parti. I got you. Et oui, vous avez reconnu UB40 et puis celui qui chante avec, parce que j'ai plus le temps. I got you, babe. Ça s'appelle une dénonce. Voilà, vous êtes toujours donc dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que moi, je suis aussi très content de ce beau temps qui est en train de se réveiller, qui commence à donner de jolies mines à tout le monde. Regarde-moi, Sherlock. Bon, sauf à certains, mais. si, ça bourgeonne. Non, ça bourgeonne. Il y a le printemps. C'est ça. Voilà, donc oui, je me permets, je continue. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, puisqu'on vous parlait de l'élection de Miss Moucron 2017 qui se passera le... Avons le plaisir. Excusez-moi, allez, je reprends. Donc j'ai le plaisir. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui, c'est d'accueillir tout le comité aussi, les organisateurs et organisatrices. Bon, elle me regarde, c'est Marianne de l'élection Miss Moucron 2017, 1998-1992, la première Marianne, bonsoir. Bonsoir à tous. Content de te revoir à nouveau. Eh bien oui, les années passent vite, on dirait que c'était hier qu'on était ici. Mais aujourd'hui, rien n'a changé. Voilà. À part le spectacle, rien n'a changé. Ça commence, c'est quand ta première élection en tant qu'organisatrice, on va dire? Oh, 84, oui. 84 Ah, t'as commencé toute jeune alors? Toute jeune, non, j'avais quand même 37 ans. Bah, toute jeune. Toute jeune, c'est bien, je confirme. Oui, bon, j'avais l'âge de raison. Ah ouais, absolument. Et toutes mes dents. Mais donc, du coup, là, on en est à la combienième édition? 34e. La 34e, oui. Énorme, c'est mon 34e, âge. Voilà. Absolument. Et bon, il y a quand même eu l'élection de Miss Hainaut entre deux, hein, qui a quand même, pendant 25 ans, il y a eu deux ans dans lesquels je n'ai pas participé. Mais bon, 25 ans de Miss Hainaut. Et puis maintenant, Corinne continue, donc, puisque l'âge étant là, petit peu à la fois, je la... Ah bah là, ça va être un scoop, on va en parler à la fin. On va finir sur une note positive et tout ça. Oui, tu nous en parleras, parce que il y a un passage de... Un passage de pouvoir qui va se faire, mais on en parlera après. Non, tu vas pas nous faire ça, quand même. Eh ben si. Ah oui, quand même. On en parlera à la fin. Mais si, mais elle le dit. Non, mais elle va pleurer, elle va... Pourquoi je plaisante? Parce que Marianne et moi, quand on s'était rencontrés, donc l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire partie du spectacle, et c'est vrai qu'on a deux personnalités où sur le coup, bah voilà, parce que c'était tac tac tac tac et tout ça, je me dis bon, ok, Miss derrière, Marianne, je te le dis ouvertement et à la radio, quelqu'un de personnalité qui prend un peu peut-être hégémonique, et en fait pas du tout, c'est quelqu'un qui est ultra, et je vais parler aussi de Philippe, ils sont ultra passionnés, c'est des gens ultra passionnés. Alors c'est vrai que quand t'as toutes les bringues derrière là, dont il faut s'occuper, c'est un courage extraordinaire, et je flatte ton âge, mais ils ont plus 30 ans, Philippe et Marianne, et c'est vrai que c'est lourd, parce qu'il y a l'organisation, il y a tout le spectacle, il y a la communication, il y a les bars, les restaurants, les sponsors, il y a tout ça qui se passe, et en fait en ayant le plaisir de les apprécier et de faire partie de ce nouveau spectacle, bah c'est un investissement énorme. Peu de gens le feraient, et c'est vrai que le passage de main doit se faire, et qu'on en parlera par la suite, avec des gens qui ont cette sensibilité quand même aussi professionnelle, artistique, et qui ont envie de pérenniser et pas en faire un faire-valoir. Parce que toi, c'était par passion, et il ne faut pas que des gens récupèrent l'événement. Et les gens auxquels je pense, si tout se passe bien, dont tu nous parleras si tu le veux, sont des gens du spectacle, des gens qui ont vraiment envie de donner une dimension et qu'on connaît très très bien, nous tous ici à la radio. Voilà, donc vous aurez le scoop, c'est pour ça qu'il faut aussi maintenir l'événement. Il va falloir nous expliquer quand même, parce que effectivement, donc Miss Moucron n'est pas seulement une élection, c'est aussi un spectacle. Et alors cette année, ça s'appelle Notre Drame de Paris. Il va falloir que tu nous expliques, Marianne, Notre Drame de Paris. Alors c'est un spectacle, le pitch un peu, l'histoire du spectacle. Oui, eh bien comme vous le savez déjà depuis de nombreuses années, puisqu'on vient chaque année raconter un peu ce qui se passe chez nous, ça n'a jamais été seulement « Sois belle et tais-toi ». En plus de ça, c'est pas seulement Sois belle et tais-toi, elles doivent aussi pouvoir se montrer sur scène et évoluer sur scène avec grâce, avec intelligence et avec leur cœur aussi. Parce que voilà, c'est pas seulement défiler comme un mannequin sans sourire ou rien du tout. C'est pas ça chez nous. C'est sûr que si on avait une fille qui pourrait partir à Miss Univers, comme ils ont eu la chance en France, on serait heureux de l'avoir aussi. Ah, on cracherait pas dessus, comme on dit à Moucron, mais. Disons que chez nous, c'est surtout, on a toujours cherché à faire rêver les filles. J'aime bien de voir des étincelles dans leurs yeux lorsqu'on fait quelque chose. En faire découvrir les restaurants de la région, la gastronomie, parce que bon, les jeunes filles, surtout que cette année, on a quelques jeunes filles plus jeunes que d'habitude. Et pour elle, c'est quelque chose de nouveau d'aller dans les restos, de découvrir des plats. Il faut dire qu'après l'élection, elle prend 10 kilos, quoi. Non. absolument pas, puisqu'on les fait bien dépenser tout ça pendant les répétitions. Ah bah oui, voilà, c'est pour ça qu'il y a un spectacle. Et par contre, on va les rencontrer, c'est vrai qu'il y a très jeune, je souligne, très jeune fille, mais c'est, on va le dire, voilà, je suis pas quelqu'un, il y a un niveau. C'était vraiment agréable, donc en tant que jury, parce qu'on a eu aussi parfois, je suppose, hein, des gens vraiment avec moins de substance, des gens qui ont gagné à la fin, bien sûr, des miss et tout, mais des gens moins de substance. Et là, c'était très sympa. On a vraiment toute une brochette là de jeunes femmes, super sympas. Elles sont pétillantes, elles sont vives, elles ont de l'esprit, elles savent pourquoi elles viennent et elles s'éclatent. Et franchement, il y a une belle sélection cette année. Ça va être compliqué de les départager. Ce sera très difficile. Ouais, franchement. Et les jeunes n'en déméritent pas, ça, je peux vous assurer. Vous allez d'abord les entendre. Eh oui, mais par contre, tu es super passionné, mais tu m'as pas répondu à ma question, parce que ma question, c'est quoi l'histoire de Notre-Dame de Paris? Notre drame de Paris. Parce que t'es parti sur les restos. C'est vrai que je dérive toujours un petit peu quand je parle, moi, c'est grave. Mais Notre-Drame de Paris, donc, ça relate quand même l'histoire de Victor Hugo. On est fidèle à, enfin, je vais pas dire à son texte, mais quand même à l'histoire. Ah, donc, c'est Notre-Dame de Paris. On voit le bébé qui naît, là, que le prêtre Frolon. Donc, bon, je connais par cœur. Le prêtre Frolon qui assassine presque sa mère avec ses gardes, là, au départ. Voilà, ça commence comme ça. Et on le retrouve 20 ans plus tard comme sonneur des cloches de Notre-Dame. Et c'est là que l'histoire déroule avec Esmeralda, exactement comme dans... Et je parie que c'est Canon qui fait Quasimodo. Non, j'interviens parce que dans le spectacle, en fait, il y a la partie mariée qui est quand même toute une partie complète. Enfin, on va pas la trahir, mais assez longue là, puisque bon, on peut parler aussi. Avant, il y avait les Lucioles, il y avait les Lucioles et tout ça. Donc, c'était un spectacle qui était beaucoup plus long. Donc là, il a été recentré en fait quand même sur les miss. Hein, donc, ça va être pas plus académique dans le spectacle, mais là, les mariés, ça va prendre une ampleur. Et j'interviens la dernière fois, j'avais chanté une chanson. Là, on est sur 3 chansons. C'est un rien que sur les mariés et tout ça, ça va être très sympa. Ah non, absolument pas. Ah non, c'était l'année dernière. Mais non, c'était l'année dernière. Mais si vous étiez venu l'année dernière. Mais si, on est venu l'année dernière. Ah oui, vous étiez. Mais j'ai pas eu l'occasion de te voir. Voilà. Non, il y a ces 3 scénarios. Je ne vous dirai pas lesquels j'interprète, mais c'est des très très très belles chansons. C'est très très belles chansons. Parce qu'on m'a demandé de ne pas les dire. Non, surprise, quand même. Donc un beau spectacle, mais il y a toujours ce défilé derrière. Il y a toujours, il y a toujours la partie défilé où là, elle doit faire preuve de grâce, d'élégance, et c'est ça compte beaucoup parce que là, c'est vrai qu'elles peuvent pas se tenir n'importe comment et elles sourient. Les filles sont obligées de sourire. Bon, c'est difficile de leur demander ça, mais c'est le principe. Après, il y a la partie spectacle où alors elles peuvent se défouler. Elles peuvent se défouler, se laisser aller, donner leur personnalité. C'est important aussi. Voilà. À savoir aussi que donc Laurent Arduin, et monsieur Fabien Lecastel seront les présentateurs. Fabien, on n'a pas eu de nouvelles. Ouais. Et que Joël, de l'Orchestre Sébastien, que vous connaissez tous par une voix assez exceptionnelle, fera la présentation en fait, des candidates, interviendra vocalement pendant la présentation des candidates. Cool. Donc on s'est tous retrouvés quand même en tant qu'artiste, et c'est pas un spectacle qui est mieux ou moins bien, je veux dire, il a évolué un peu dans ce côté-là. On dira ça après. Il y a une dimension artistique scénique. Rappelle que c'est le 8 avril. Le 8 avril, les horaires? Les portes seront ouvertes à partir de 18h30 et c'est pour commencer à 19h pile. Alors, question un peu tordue, parce que j'imagine que c'est plein. Est-ce qu'on peut encore réserver? On peut encore réserver, justement, à cause du manque. C'est quand même un manque. Les petites, ça remplissait le saké. Hein. Mm-hmm. Donc, il y a encore des places. Il faut faire très vite. Comment ça pour réserver? Ça se remplit, mais il reste des places. Voilà. Et comment fait-on pour réserver, Marianne? On téléphone chez moi, donc au 056 33 29 77 ou au 0477 92 14 96. Sinon, j'imagine qu'il y a toutes les infos sur Facebook et on peut retrouver... Sur Facebook, le site missmoucron.be. Vous avez toute l'histoire de Miss Moucron aussi sur le site. Les gens peuvent feuter les 2 bouquins qui a la suite sur le site. Ah oui, 34 ans. Il y a deux bouquins. À savoir aussi que les chorégraphies sont faites par Marianne Arduin et aussi par Mimsy Coupé, qui avait été Miss Moucron. Elle est venue nous rejoindre. Elle était là tout à l'heure. Je parlais d'elle tout à l'heure. Absolument. Qu'on a eu l'occasion de recevoir en 2009. En 2009. Je ne sais pas si j'étais là. Non, mais moi, maintenant, je la vois tous les jours en 2017. Et je suis content de la revoir parce que ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vue, et Mimsy, effectivement, qui est venue nous rejoindre. Elle est toujours aussi jolie, elle est très très sympathique, et elle est très douée. Ça c'est vrai. Ouais. Mais je vais faire la part des choses quand même. Donc, on s'occupe, nous, de la partie défilée. important, comme depuis tout le temps. Enfin, oui, je m'occupais aussi du spectacle. Mais la partie spectacle, c'est Christopher donc, qui s'en occupe. Oui, oui, tout à fait, Christopher. Ah, oui, de l'orchestre Sébastien. Voilà. Les chorégraphies sont faites par lui. Et nous, on revoit entre deux parce qu'il y a beaucoup de travail. Ouais, voilà. Et donc elles sont passées à la Moulinette il y a 3 jours de ça pour le jury, donc on était une douzaine du jury, 16 du jury, donc un gros jury, et puis c'était vraiment très sympa. On pourrait dire parfois c'est un peu long, et là c'était vraiment sympa, on a ri avec les candidates, ça fait du bien. Qui se présentaient. Elles ont parlé avec toi aussi ? Pardon ? Si. Bah, non, avec moi c'est quoi, elles rentrent, elles se mettent à rire. Si on n'en rend pas lui. Ok. Et bah, moi ce que je vous propose c'est qu'on se fasse une coupure musicale et on va retrouver les deux premières candidates. On va faire la connaissance. Donc alors, la première, Sylvana, ne sera pas avec nous. Pour des raisons d'études, puisqu'elle est en réto. En voyage. Voilà, donc elle est en voyage et donc elle ne sera pas avec nous. Mais on va commencer par la candidate numéro 2 et numéro 3, juste après la coupure musicale de notre ami Sherlock. Oui, alors une petite coupure encore une fois avec You Too et With or Without You. Oh, c'est un message ça. Oui, bah, forcément. Ok, ça marche. Et, bah, écoute, et alors, les candidates 2 et 3, elles s'appellent ? Donc il y a Tiffaine et normalement c'est... Et donc c'est... pardon, Tiffaine, excuse-moi, 2 et 3, je vais te le dire tout de suite, Anastasia. Ah, Anastasia, tout un programme. Donc Tiffaine et Anastasia. Eh bien écoute, voilà. On va les recevoir d'ici, après cette coupure musicale. Ouais, d'ici 5 minutes. Oui, bon. D'accord. Voilà, without you. On va laisser Harry continuer à vomir. Et... Non, allez, c'est parti. You gave it all, but I want more. toujours sur RQC 95 FM. Nous avons le plaisir d'accueillir les Miss. Arrête-toi. Nous avons le plaisir d'accueillir les deux premières Miss. Donc, bonsoir. Elles candidates, elles ne sont pas encore Miss. Tu vas vite en besogne. On leur souhaite, évidemment. Miss Taguette pour l'instant. Miss Taguette. Bon, alors les deux petites Miss Taguette, les deux premières. Enfin, les deux. La deuxième et la troisième, puisque Sylvana n'est pas là. Oui, Sylvana. Non, c'est important parce que c'est vrai qu'elles sont mises. Je me permets, excuse-moi. Mais tu peux pas le savoir. Non, c'est pas ça. Elles sont mises sous forme de. Non, mais c'est important si les candidats ou des gens, c'est la candidate numéro 2, la candidate numéro 3. C'est ça. Je veux dire, t'as compris sur le 1, mais les gens n'ont pas le catalogue, ils savent pas. Donc c'est la candidate numéro 2. Catalogue. Catalogue. Alors, je vais commander la Miss numéro 2, la Miss numéro 3. Bon, enfin bref. Vas-y. On accueille. La candidate numéro 2, Tiffaine. Bonsoir, Tiffaine. Bonsoir. Bonsoir, Tiffaine. Bonsoir, Tiffaine. Oh, tu m'as l'air bien jeune. J'ai 17 ans. Ah, ah ouais, t'es bien jeune. Hein. À côté de Sherlock, t'es vraiment... Ouais, j'ai à côté de toi, surtout. À côté de Canon, n'en parlons pas. C'est vrai. Et la troisième, la numéro 3, donc, Anastasia. Bonsoir, Anastasia. Bonsoir. Bonsoir, Anastasia. Et tu as quel âge ? J'ai 20 ans. Ah. Ah, ouais, c'est marrant, vous faites le même âge tous les deux. Je sais pas si c'est pour laquelle des deux c'est un compliment, hein, mais bon, bref. Ah bah non, bah, 17-20 ans, il n'y a pas beaucoup de différence. Ah, il y a 3 ans, mais c'est énorme. Hein, bah regarde, Canon et moi, on fait pas... Bah justement, vous ressemblez. Alors je vous explique, les filles, c'est grand-père et grand-mère, ils vont parler pendant une heure, donc... Mais toi, tu n'arrêtes pas, s'il te plaît, on accueille. Elle a pris le micro. Elle bah oui, c'est bon, ça y est, ça y est. Ça y est. Attends, elle a pas dû partir 3 semaines. Ah non. Alors, Tiffaine, toi qui te présentes donc à l'élection de Miss Moucron, c'est la première fois que tu viens donc à l'antenne de RQC. Oui. Voilà, bah écoute, j'espère que tu reviendras aussi après, parce que je sais que en général, bah, les candidates, où, bah, ils sont contents. Qu'est-ce que tu as au stock, toi, mec ? Elles sont connues ! Elle a un vide comme ça ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, les auditeurs ne voient pas la vitre, on dit ça. Mais oui, mais c'est pas radiophonique. Je voulais faire une question, c'est lui qui m'a dit qu'est-ce qui t'arrive, bon, là ? Alors, en général, ils sont très contents de passer chez nous, voilà. Donc, Tiffaine, nous, le principe aujourd'hui pour apprendre à mieux vous connaître, alors, c'est Sherlock qui est à la base de tout ça, hein, qui est à l'origine de ces questions, entre autres, bah, surtout à l'origine du mangeage de Kinder. C'est ça, ouais. Puisqu'effectivement, il y a devant toi donc un ce qu'on appelle un sac à miss, dans lequel il y a des boules. C'est des boules à Sherlock. Il y a un sac à boules dans lequel il y a des questions. D'accord ? Des questions, alors soit démons, soit anges. Voilà. Démons, elles sont. Allez, elles sont pas si vaches que ça. Hein. Non, c'est pas. Non, non. C'est et juste pour après, piquer t'as des questions peu, anges quoi, qui sont très simples. Donc, on va te demander donc, de tirer au sort. Et Onissa se fera un plaisir de te poser la question. Vas-y. Vas-y. Plonge ta main dans le sac à miss. Démons. N'aie pas peur. S'il vous plaît. Attention. Démon. Elle va encore le dire une fois, démon. Ouais. Tais-toi, toi. Toutes les autres candidates disent que tu es une vraie peste. Pourquoi ? Ben, je sais pas du tout. Alors, imaginons que les candidates pensent que tu es une peste. Ouais. S'ils disaient toi que tu étais une peste, ce serait pourquoi ? Ben, je sais pas du tout, parce que j'ai pas du tout de concurrence avec elle, donc... Ah ouais. Wow, un petit peu quand même. Donc tu te sens déjà au-dessus de tout le monde. C'est ça. C'est ça, ouais, parce que ouais, j'ai peste. C'est ça, j'ai pas de concurrence avec elle, elle m'arrive même pas à la cheville. Ouais, ouais, ouais. C'était pas l'encensaire, à mon avis. Défends-toi, okay. Hein, te laisse pas faire. Non, du tout, j'ai pas de concurrence parce que pour moi, je prends pas ça pour gagner, je prends ça pour participer. Ah, oui. Bien. Alors, si tu devais présenter la candidate qui est sur ta gauche, donc Anastasia, tu dirais quoi d'Anastasia ? Bah, Anastasia, de méchant ? Oh, ouais, il faut dire méchant. Oh non, elle est super gentille. Non, je l'adore, c'est une des filles avec qui je passe le plus de temps, donc il n'y a pas de souci pour ça. D'accord. Et si tu devais la qualifier, si tu veux lui donner une qualité, tu dirais quoi ? Elle est adorable. Ah oh. Oh. Eh bien, on va découvrir ça si elle est adorable. Ah, ouais. Anastasia, eh bien, écoute, tu vas tirer une boule au sort si tu veux bien. D'accord, y a pas de souci. Avec une question, et Canon se fera le plaisir de te poser la question. J'aimerais bien une question de démon, parce que... Ouais, elle a l'air... Ouais, elle a l'air gentille, on va aller dévergonder enfin un peu. Le micro ici. Alors, question. Non, c'est ange. Oh, bon. Alors, dis-moi, si d'un coup de baguette magique, tu pouvais avoir un pouvoir surnaturel, ça serait lequel ? La paix dans le monde. Qui a la paix dans le monde. D'accord. Ah ouais. Ce pouvoir de mettre la paix, ouais. On s'engueulerait plus, on se battrait plus. Oh, c'est chiant. Sherlock, lui, il a un pouvoir, c'est qu'il il arrive à faire le paix dans le monde. C'est ça. Je pars en voyage et voilà. Tant qu'il ne fait pas dans le studio, parce que le dernier a failli faire un génocide. Mais ça c'est une bonne question, parce que il y a beaucoup de Miss aujourd'hui, Miss France, ce genre de choses, des Miss un peu plus haut, hein, parce que c'est un niveau différent. Mature. Mais, qui, après, une fois qu'elles sont élues, vont... se dédier à une œuvre caritative. Alors on va parler des Restos du Cœur, on va parler de la SPA, ce genre de choses. Si vous, par exemple, vous étiez élu en tant que... C'est les Restos du Cœur et après la SPA. Ça va. Non, mais si vous étiez élu en tant que... Alors Miss... Miss Moucron, évidemment. S'il y avait une vocation, si vous vouliez œuvrer pour une œuvre, ce serait laquelle? Moi, ce serait plus pour les associations pour les animaux. Ouais, donc type SPA ou... Oui. D'accord. Et toi, Anastasia? Moi, ce serait l'association de la sclérose en plaques. Ah, bien. Et pourquoi? Parce que j'ai ma maman qui est atteinte justement de la sclérose en plaques. Ah oui, donc ça... Ah bah écoute, pas. Ça c'est une belle œuvre aussi. Eh bah écoutez, mesdemoiselles, c'est super. Bon, on a appris à vous découvrir. Donc c'est la candidate numéro 2 et numéro 3. Donc Tiffen et Anastasia, que vous retrouverez donc le 8 avril, donc à l'élection de Miss Moucron. Eh bien, on va leur souhaiter une bonne chance. Bonne chance, merci à vous. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite coupure musicale et on va recevoir donc les candidates suivantes, donc la candidate numéro 4 et numéro 5, Marianne, qui sont... Alors, je vais te dire ça. Ah, voilà. Cassandra et Mélissa. Absolument. Et ben, merci à vous. Et puis, Sherlock, à toi de jouer. Oui. Et ben, on se retrouve juste après Cyndi Lauper et Girls Just Want to Have Fun. Yeah. C'est magnifique. Et oui, c'était Cyndi Lauper avec Girls Just Want to Have Fun. Wow, yeah. On est toujours sur... Ouais, merci. Excellent accent. Yes, je me suis entraîné toute la semaine. continue. Oui, mais lui, ça se voit, c'est ça la différence. Ça va. Oh. Enfin, ça s'entend surtout. Donc, vous êtes toujours dans 80 à l'heure sur RQC 95 FM. Dans et 80 à l'heure. Bah oui, dans l'émission 80 à l'heure. Ah bah ouais, dans l'émission, pas dans 80 à l'heure, vous êtes dans 80 à l'heure. Si, il fait tout noir, allumez la lumière. Ok, ok. Et donc là, nous allons recevoir les candidates numéro 4 et 5 qui se prénominent... Prénominent. Se prénominent. Ah bah oui, se prénominent, ouais. Prénominent. Bien sûr. Ils se renumèrent, prénominent. D'accord. Voilà. Qui se prénomment Cassandra. Alors avec un K, attention. C'est ah, c'est avec un K. Ah ouais, ouais. Parce que c'est un K. Ah, et voilà. Moi, je croyais que c'était avec un C, moi, Cassandra. Et Mélissa avec un M. Ah ouais, heureusement. Ah, oui. Mélissa avec un P. Ça fait plaisir. Ouais. Comme, banane commence, comme banane commence par AB, ça finit par A. Non, normalement, ça commence par un N. Ouais. Oui. C'est ça. Bon, on va dire. Non, c'est je sais pas. On vous la fera plaisir. C'est du pour interne. Mais si, parce que Cassandra, ça commence par un K, mais normalement, ça commence avec un N. Ah bon ? Bah oui. Ah ouais, normalement, bah ça commence par un N, et banane, ça commence par un B. Mais bon, mais ça finit par on va se passer là-dedans, non. Parce que... Comment tu écris normalement ? N ? Bon, normalement, ça... Non, on va vous le faire après. Alors, bienvenue. Cassandra, bonjour, comment vas-tu ? Ça va, et vous ? Bah, ça va. Elle m'a dit vous. Un point de moins, oui. Aujourd'hui. Ouais. Et 10 ans de plus. Et 10 ans de plus. Bah, ah pourquoi ? Non, mais elle se rend compte de ton âge, c'est normal. Moi, on me tutoie. Donc, Cassandra a 16 ans. C'est une toute jeune. Elle est toute jeune. Mais... Ah oui, il y en a beaucoup de 16 ans. L'une des plus jeunes, alors, peut-être, j'imagine. Oui. Parce que ça, les âges pour démarrer donc, à Miss Moucron, c'est quel âge ? 16 ans. 16 ans. Jusque ? 25, je pense. 25 23. Ah ouais, 23 ans, d'accord. Et c'est vrai que c'est quand même, Marianne, c'est vrai que c'est, le delta, il est quand même assez large, quoi, parce que entre 16 ans et 23 ans, c'est plus tout à fait la même... on part d'une jeune fille à une jeune dame, quoi, quelque part. 23 ans, mais bon, je vais voir qu'elle n'a démérite pas. Ah ouais, ouais, non, mais bien sûr, bah, aucun doute, aucun doute. Alors, Cassandra, hein. Oui. Cassandra. Tu vas nous faire le plaisir de tirer... À chaque fois que tu dis son prénom, elle dit oui derrière. J'essaye, j'essaye. Cassandra ? Oui. Oui. Attention, attention, Cassandra a un défaut, elle est agressive. Hein. C'est vrai ? Alors, c'est ce que tu veux dire. Agressive ? Au début. Pourquoi ? Elle frappe d'abord, après elle se calme. Ouais. D'accord, bah ça va, je suis loin. Ah oui, toi t'as répondu, elle est calme. Bon, ça va, là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer une boule. Voilà. Donc, la boule à Miss, enfin la boule à Sherlock, mais... Et Sherlock va se faire le plaisir de te poser la question. Donc il faut que tu donnes la réponse, la question à Sherlock. Oui, Sherlock. Ah. Oui. Sherlock, oui. C'est ma chère. C'est notre stagiaire qu'on a embauché il y a. Voilà. Oui. Ah, alors c'est une question ange. Oh, c'est bien. Oui, parce que si ange ou démon, c'est pas drôle. Alors bon, si tu avais le pouvoir de changer un de tes défauts physiques, ce serait lequel et pourquoi ? Mes pieds. Tu voudrais pourquoi marcher sur tes mains ? Non. Ah. Et pourquoi ? Ils sont pas beaux. Ah. Montre-nous. Non, mais. Non, ils sont pas beaux. Par exemple, le deuxième orteil, il est plus grand que tous les autres. Ah, mais c'est un pied grec. Il y a une un pied grec, ouais. C'est ça, il y a une signification. Oui, c'est un pied grec. Ne te plains pas, Sherlock, il a un pied beau, tu sais. En même temps, la radio, ça se voit pas. Bah ouais, c'est vrai, avec une jambe plus courte, tu sais. Ah ouais, ah bah, il va faire Notre-Dame de Paris. Notre drame de Paris. Oui, notre drame de Paris. Je vais faire quasi clodo. Sérieux ? Mais ce sont les pieds, on les voit pas. Mes cheveux aussi. Ah ça oui, c'est les extrémités alors. Qu'est-ce qu'ils ont tes cheveux ? Mais je regrette d'avoir fait rouge. Ah la couleur ! Ah oui, mais ça va s'atténuer après. Ça change. Que les pieds moins déjà. Oui, pour le 8 tu seras rouge. Elle peut plus changer. Ah non, faut pas. Donc appel au don pour acheter donc des pompes orthopédiques. Cassandra. T'es très bien comme ça, Cassandra. Mais t'inquiète oui, pas. Absolument. T'inquiète pas. Mais tu nous montreras pendant la pause musicale tes pieds et on pourra juger. Oui, voilà, on donnera un avis en fait. Si ils sont moches ou pas. Eh ben écoute, tu sais ce que tu vas faire, Cassandra. Tu vas nous présenter donc Mélissa qui est sur ta droite et tu vas nous dire du bien ou du mal d'elle. Hein, ce que tu en penses. Lâche-toi. Hein. Vas-y. Ouais. Alors comment elle est, Mélissa ? Très gentille, ouais. Mais souvent un peu beaucoup dans son coin. Mais elle se rapproche plus de nous. Voilà, oui. Ah, introvertie alors. Voilà. Au début, oui, elle était fort dans son coin et maintenant elle vient un peu plus avec nous. D'accord. Eh bien, écoute, on va faire la connaissance donc de Mélissa. Mélissa, quel âge, Mélissa ? 16 ans. Voilà. 16 ans. Eh bien, bonjour, Mélissa. Bonjour Mélisse. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, t'as casé la montre du jour. Je vais me faire le plaisir de te lire la question, donc si tu veux bien tirer au sort. Donc, alors Mélissa, petite présentation et photographe. Ah bien, oh, ça va être clair, Saint-Luc, on a parlé au jury, et puis il y a de la partialité ou quoi que ce soit, c'était pas le problème. Mais voilà, elle a une très très belle, elle a une très très belle approche en fait de l'œuvre photographique, etc. pour son âge, parce qu'elle est aussi. Et tu veux en faire un métier ou Disons que j'adore la photographie, c'est une grande passion. Mais si je devrais en faire, si j'étudie la photographie, c'est surtout pour me diriger vers le cinéma, parce que j'adore aussi regarder la télévision, aller au cinéma également, et je m'intéresse beaucoup à énormément de films. Qu'est-ce que tu serais bien avec Sherlock. Tu as des points communs avec Sherlock. Et alors j'y crois pas, tu nous as pas fait une rétro. Elle l'aurait trouvé tout de suite, je suis sûr. Ouais. Ah, c'est possible. Parce que moi, fait, il s'occupe de rétro-cinéma, faut tout expliquer. Rétro-cinéma, etc. Bon, c'est vrai, quand tu le vois, t'as plus envie d'aller au cinéma, mais je te comprends. Est-ce que tu peux tirer une boule, s'il te plaît, pour ça? C'est fait. Vas-y, je t'en prie. C'est une femme. Non, je suis pas fatigué. Alors, c'est une question ange. Ah ouais, bon. Elle est sympa, mais. Alors, Mélissa, quel est ton passage sur scène préféré? Plutôt robe de soirée, maillot de bain ou tenue décontractée? Maillot de bain. Sérieux? C'est rare ça. Ah bah je comprends pas parce qu'on vient de me dire. Ah bah attends, je comprends pas parce que Cassandra nous disait que t'étais plutôt introverti, un peu timide, et donc ce que tu préfères c'est de en maillot de bain alors. Oui, parce que j'ai expliqué au jury que j'avais aussi un rêve que j'ai toujours voulu poser pour de la lingerie. Sur des grands panneaux d'affichage style à New York ou des trucs comme ça, enfin, je trouve ça trop cool, et puis même c'est une façon de se mettre en valeur, et de plus c'est un style de provocation que j'aime beaucoup. Et bah, c'est extrêmement les captivés. Non. Les gars, c'est la première fois que je les ai même pas entendus, c'était comme ça. Pour la petite anecdote, Mélissa qui a 16 ans, en fait, elle a une vraie approche artistique, et je l'avais dit dans le jury, pour un moment, elle était partie sur une niche très très particulière, et je m'étais permis un peu de la récupérer, mais dire là tu pars dans quelque chose, elle s'était super bien exprimée, mais c'est vrai qu'on parlait dans du nu artistique qu'elle avait fait avec d'autres femmes, et très très bien. Âge, non, pas déjà. Elle, oui. Pas elle. Ah ouais, elle avait travaillé avec des modèles, pas elle, pas Mélissa. Elle avait travaillé avec des modèles. Oui, en étant photographe. Voilà, et donc c'est vrai que j'ai dit par rapport au jury, ça fait un peu une niche un peu particulière de dire ça aussi, j'aimerais sur des. Mais c'est vraiment l'approche artistique. Voilà. Donc je mais alors, pas, quand tu poses en maillot de bain, on voit tes pieds ou pas? Ouais, mais Cassandra, je t'embête. Hein. Eh bien, écoute, Mélissa, Cassandra, eh bien, on va leur souhaiter une bonne chance pour l'élection donc, de Miss Moucron, le 8 avril, donc au centre Marius Taquet. Donc, soyez tous au rendez-vous dans le cadre d'un spectacle qui s'intitule donc Notre-Dame, notre drame de Paris. C'est dur à dire, hein, notre drame de et Paris. Pas Notre-Dame, enfin, notre drame de Paris. Non, mais c'est dur à dire. Oui. Vas-y, dis-le. Notre drame de Paris. Tu dois réfléchir pour le dire. Ah, moi, je réfléchis. Dis maintenant les. Maintenant, les en même temps, t'as vu la couleur de ses cheveux, c'est normal qu'elle doive réfléchir avant. Pardon ? C'est vrai. D'ailleurs, le dictionnaire, tu sais pourquoi on l'appelle le petit Larousse ? Là, parce qu'elle est blonde. Si ça s'appelait le petit Lablonde, il y aurait que deux feuilles. Bravo. Bon, après, cette. Elle est puissante, celle-là. Ouais, je dis bien Cassandra. C'est Flipkat qui me l'a soufflé. Ah ouais, je pense. Et Mélissa, bonne chance, et puis bonne élection, et puis croisons les doigts. Oui, Cassandra, je te promets, quand tu viens au spectacle, on regarde tes pieds. La couronne à Emmeline. Emmeline, alors, Emmeline, qu'on va recevoir avec les dauphines juste après la coupure musicale, parce que ce serait sympa aussi qu'on ait un petit message de Miss Moucron. Bah oui, Miss Moucron, et les dauphines. Emmeline et ses deux dauphines, absolument. Bien sûr. Laura et Ludivina. Et on va les recevoir juste après cette coupure musicale. Sherlock. Michael Jackson avec Billie Jean. Yes. Souvenir. Ça, c'est le dernier album de Michael. Oh, non, c'est pas le dernier. Bah non, je sais bien. Pardon ? Dans la revue, donc, on a du Michael Jackson aussi. Dans la revue, on a Michael Jackson aussi, qui nous fera Thriller. C'est vrai, t'as réussi à le déterrer. Mais il sort de tombe, c'est ça. Ah bah Sherlock, tu nous avais pas dit que... Allez, et on se retrouve juste après avec Emmeline et ses deux dauphines, donc Miss Moucron 2000... Alors, est-ce que c'est 2016, on dit 2016 ou 2017, du coup ? 2017. Elles sont en train de danser dans le couloir. Hein. 2016-2017. 2017, oui. D'accord. Allez, c'est parti avec Michael Jackson et Billie Jean. 80 à l'heure sur RQC 95 FM, j'espère que vous portez bien, tout comme nous. Et on passe un très très bon moment, un moment de charme, de tendresse, d'humour, puisqu'on est avec l'ensemble des candidates à l'élection de Miss Moucron. Alors il y en a deux là derrière qui sont très souriantes. Enfin, on peut dire que ça promet pour le 8 avril. On en a rencontré quelques-unes là déjà. Je pense que vous êtes fait une idée sur l'ensemble des candidates. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, elles sont vachement joviales. C'est agréable, franchement. Ouais, Sherlock, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, j'adore. Ah, tiens, dit-il avec tant d'enthousiasme. Bah oui, effectivement. Alors, avant de recevoir donc les prochaines candidates, c'était sympa aussi de donner la parole aussi à Miss Moucron. Alors, 2016-2017, Emeline, comment on doit te présenter ? Parce que Je suis l'actuelle Miss Moucron, donc 2016, encore pour 15 jours. Ça fait quoi ? Alors, t'es à deux doigts quand même de passer la couronne quand même. Ça fait un petit pincement au cœur quand même, puisque j'ai passé une très très belle année en compagnie des Arduins, en particulier de Marianne et Philippe. Mais j'en suis certaine, la suivante sera tout aussi bien faire ce rôle que moi. D'accord, alors, et question qui tue ? Tu vois qui pour te succéder ? Alors, je pense que chacune d'entre elles a un peu les qualités pour me succéder, donc on verra très bien le 8 avril qui prendra ma place. Mais bien sûr, tu n'aurais pas répondu, évidemment. Alors, dis-nous un peu en quoi ça consiste. Alors, un an en tant que Miss Moucron, qu'est-ce que tu as dû faire ? Qu'est-ce que tu as préféré ? Parce que c'est quand même une belle vie, quoi. Tu fais pas mal de choses. Oui, alors pendant un an, j'ai fait les Ducasse, j'ai fait pas mal de restaurants, pas mal de belles rencontres. J'ai fait les sorties avec les candidates, donc Battle Cards, Journée à Coxide, la plongée et aussi des restaurants. Donc, voilà, la plongée dans les restos ? La plongée au dauphin. D'accord. Alors, on va te mettre dans le même principe que les candidats, c'est-à-dire qu'on va te poser une question. On a des boules à Miss, mais rien que pour toi, ça ne sera pas une boule à Miss. Ah. Non. Déjà, première question, quelles sont tes passions Passion dans la vie, je veux dire que c'est le chant, la danse, passer du temps avec ma famille et mes amis. Non, je ne chanterai pas, non. Parfait, parce que je... Alors, ouais. Emeline, je vais te poser une question. Alors, elle n'est pas dans les boules. Non. Alors, je te pose la question. Si tu me réponds juste à 10 000 euros près, hein, tu n'auras pas de gage. Si tu réponds pas, tu auras un gage. Ça marche ? D'accord. Tu lances le défi ? C'est la question Big Démon, en fait. Alors, la question est la suivante. Tu connais Iris Mittenard ? Oui, évidemment. Voilà, qui est devenue Miss Univers, qu'on aime beaucoup puisqu'elle était quand même dans les Hauts-de-France. Donc, très, très beau parcours. Oui, très beau parcours. Que d'ailleurs, Canon a rencontré dans le cadre d'élection de Miss Alluin, enfin, entre autres. Voilà. Dans 5 jours. Voilà. Alors, tu sais que chacune des Miss, quelle que soit la Miss, que ce soit Miss Moucron, Miss France ou Miss Univers ou Miss Belgique, elles ont toutes une couronne. Est-ce que tu as une idée ? Du prix de sa couronne. Du prix de la couronne de Iris Mittenard. Alors, je te laisse. À 10 000 euros près. À 10 000 euros près. Alors, déjà, ça te donne un peu un indice sur le prix de la couronne. Si tu ne réponds pas, si tu n'es pas dans la fourchette. Dans la fourchette des 10 000 euros, tu as un gage. C'est presque le prix d'un caleçon propre. On te laisse 30 secondes. 30 secondes et tu peux nous donner plusieurs prix. Je te dirai plus, moins. Allez, on y va. Allez. À ton avis, combien coûte la couronne donc, de Miss Univers ? Plus, moins, vas-y. Je dirais 50 000. Plus. Allez, on se le fait en 20 secondes. Allez, vas-y. 300 000. Moins. 250 000. Plus. 270 000. Ah, plus. 280 000. Moins. 275 000. Plus. 276 000. Plus. 277 000. Plus. 278 000. Oh oui. Bravo. Oui, bravo. À 3 secondes, elle. Il faut le savoir quand même. Il faut savoir que la couronne de Miss Univers coûte 278 000 euros. 278 000 euros, donc 278 000 euros pour nos amis belges. À peu près. Allez. Elle est composée de 33 cristaux de bohème, je ne connais pas, mais en tout cas, 33 cristaux de bohème, 5 topazes, 198 saphirs, donc 198 saphirs, 311 diamants. Alors la question qu'on se posait, c'était avec Sherlock, on se disait, mais est-ce qu'elle la rend ? Oui, j'imagine qu'elle la rend, enfin, Miss Univers. Je pensais à Miss France, je sais que Miss France garde la couronne. Elle garde sa couronne, mais Miss Univers, ça m'étonnerait, elle la garde. Normalement, à 270 000 euros. Ça fait partie de leur... Pas Miss Univers. Miss Univers, je suis un peu étonné quand même. À la suivante. Mais non, puisque... Elle est resculptée. C'est Miss France. C'est Miss France qui garde la couronne, je sais. Mais oui, Miss France. Oui. Alors, Belgique, je ne sais pas. On va quand même te demander le gage, parce que comme tu chantes... Ah bah oui. Ah bah non, vous aviez dit que si je trouvais le prix, j'avais pas de gage, donc je n'ai pas de gage. Par contre, oui, il y en a maintenant. Et vous savez le... Bon, en tout cas, elle a répondu juste. Répondu juste. Vous connaissez le prix de la couronne de Miss Moucron? Et alors, le prix de, oui, justement, de la couronne de Miss Moucron? À l'époque, je l'ai reçue en cadeau de Cécile Muller. Elle a été faite par l'orfèvre qui, justement, faisait les couronnes de Miss Univers de Paris. Et il y a un prix ou pas? À l'époque, elle coûtait déjà 50 000 francs belges. Donc, ça veut dire. Au bien de rose, ça, c'est 50 000. Quelques euros. 15 000 euros, oui. À combien? 15 000 euros, si, si. 50 000 francs belges, ça ne peut pas faire 15 000 francs. 50 000 euros. Oui, 1200. 1250 euros. Qui dit mieux? Mais il y a de ça, il y a de ça, je l'ai reçu. Il y a donc pour les 10 ans de Miss Moucron. Bah oui, à l'époque. Donc il y a 24 ans en arrière. Ah ouais, c'est énorme. Mais c'est parce énorme. Que aller retransposer en argent belge, ça faisait énorme à cette époque-là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça. Et puis bah, si tu me parles de il y a 34 ans, évidemment, ce n'était pas le même rapport. Ça fait 24. Bah, il y a 24 ans, oui. Alors Emmeline, tu vas nous présenter tes deux dauphines. Alors ma première dauphine, c'est Laura Van Rottergem. Le prénom c'est suffisant parce que le nom on va pas le retenir. Ah, excusez-moi. Donc ma première dauphine c'est Laura. Laura. Et ma deuxième dauphine, Laura. Ludivine. Non, vous l'avez déjà fait l'année passée, c'est nul. Qu'est-ce qui est nul? Ouais, elle a de la répartie, attention, Ludivine. Alors qu'est-ce qui est nul, Ludivine? Laura. Mais vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà dit l'année passée. Ah ouais, mais on se renouvelle pas. Je dis vous, c'est 10 ans. C'est les blagues des années 80, tu sais. Et ben tu sais quoi, Laura? On va se venger. Tu vas prendre. C'est toi qui vas chanter. Par contre, attends, je parle très sérieusement. J'ai un message moi pour Laura qui n'osera pas le dire. Je pense que Laura actuellement, c'est une fille vraiment adorable. Que voilà, elle a des petits, des petits soucis qui fait qu'aujourd'hui, ça serait super bien. Elle cherche du boulot. Alors c'est une fille, elle est toute mimi, elle est très intelligente, elle est vraiment brillante. Elle est en train de se bouger un peu le derrière pour aller dans une situation qui fait que elle aimerait bien trouver du job. Et donc, n'hésitez pas à regarder son profil ou par la radio. Et puis, voilà. Dans quel domaine tu cherches? Je travaille en friterie au Quick, en friterie, simple friterie. Je travaille au Carrefour. Je reprends mes études au mois de septembre. Alors si vous cherchez une vendeuse agréable qui est intelligente, je le pense vraiment, qui a vraiment de l'entrain et tout ça, qui est en plus évidemment très jolie et tout ça, n'hésitez pas parce que je pense que dans le champ relationnel ou autour, il y a des gens qui nous écoutent. Moi de mon côté, je viens de l'apprendre, donc voilà, parce que sa situation est un peu compliquée en ce moment, et puis elle aurait vraiment besoin de trouver un job et elle a envie de bosser, sans problème, quelles que soient les heures. Donc j'espère que vous avez entendu ce message. Merci. Merci beaucoup. De rien. Écoute, pour tous ceux qui nous entendent, si vous avez un poste à voir, surtout n'hésitez pas. Donc Laura, dans ces cas-là, il faut aller sur Facebook, on va te retrouver, vous tapez Laura, celle qui a de la répartie. Vous avez Alors Laura, si tu veux bien tirer donc une question. Petite bouboule. Et bien en plus, ça va être notre ami Onissa qui va se faire le plaisir de poser la question. Ah, une démon, j'aimerais beaucoup. Non, c'est un ange. Ange, on va faire avec, hein. Alors Laura, si tu gagnes, ça va pas. Moi, j'en retirerai une autre. Si tu gagnes pas. Alors si tu gagnes pas, tu fais quoi? Je recommence. Faut la garder. C'est un démon? Tête. Oui, c'est un démon, ça j'aime mieux. Ah, ça on aime, on adore. Alors, mais arrête! Pète les oreilles à chaque fois. Oui, mais à chaque fois tu tapes. Oui, mais je vais te péter les couilles. C'est mignon. Ouais. Et tout à l'heure, c'est Canon qui disait ouais, c'est les deux petits vieux. Hein. Je vois que lui est pas mieux en fait. Mais on dirait les deux petits vieux dans le Muppet Show. C'est ça, ouais. Choisis. Bon, tous les deux. Choisis deux candidates maintenant et donne-nous un défaut pour chacune. Ah oui. Dans les candidates qui sont là. Anastasia, tu me permets de prendre celle que je connais le mieux quand même. Hein. Bah oui, bien sûr. Anastasia, et je dirais que. Elle est très râleuse, mais à part ça, c'est une fille extraordinaire que j'ai appris à découvrir cette année encore plus que je la connaissais avant. Et elle a vraiment les qualités d'une super fille. Elle, c'est une courageuse, une bosseuse. Elle fait en sorte d'être là à chaque sortie dès qu'elle peut. Elle se donne à 100%. Et franchement, c'est une des candidates que je féliciterai le plus cette année. Parce que moi, elle m'a marquée par sa sincérité et par sa générosité avec les autres. Et... Donc je dirais d'abord Anastasia, puis je dirais Nadia, qui est une copine à moi depuis de longues années, wow, et que wow, j'ai Nadia. Aussi retrouvée cette année à l'élection. Le défaut de Nadia. C'est une femme. C'est une entièreté. Non. Je dirais qu'elle veut toujours être mieux. Enfin, je sais pas comment vous en finissez. Oui, voilà. Chiant, et c'est un défaut comme une super belle qualité aussi. Ouais, c'est ça. Et je sais aussi que dans cette aventure, elle se donne à 100% et elle essaye aussi de faire son mieux, comme toutes les candidates. D'ailleurs, je pense que Marianne peut être très fière des candidates de cette année. Et elle se donne au maximum, même si c'est pas toujours facile. C'est beaucoup de répétitions, de longues heures, c'est beaucoup de chorés différents. Mais là, il reste encore une dizaine de jours. C'est une dernière ligne droite et je sais qu'elles seront vraiment à la hauteur pour réussir cette lancée. Ah oui, ça c'est sûr et certain, elles s'investissent à 200%. Je pense un petit mot aussi, c'est que vous avez envie de continuer, peut-être que ça soit toutes les trois. Après, on va parler aussi à Ludiville, mais peut-être de continuer après Miss Moucron dans autre chose aussi. Bah oui. Quelqu'un m'a dit. Émeline et moi, je pense en tout cas, Ludiville n'est peut-être pas encore sûr. On va participer à l'élection de Miss Province du Hainaut, qui se déroulera durant le mois de septembre. Donc on ne sait pas encore exactement la date. Où ça va se passer. Et alors, on participera avec le nouveau podium de Miss Moucron 2017. Donc voilà. Bravo, c'est bien. Bravo. Félicitations. On pourra bien représenter Moucron à la province du Hainaut. Ouais, génial. C'est alors, tu vas nous présenter Laura. Ludivine. Ah, Ludivine. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ah, bah non, mais Laura, tu vas nous présenter Ludivine. Ouais, ouais. Ah, bah si, c'est ça, ouais. Bah, évidemment. Vraiment. Non, moi, je dis ça. Ah, pardon. Tu vas nous présenter Ludivine, évidemment. Donc, deuxième dauphine de Miss Moucron 2016. Oui. Alors, comment tu la présenterais, dis-nous? Comment je présenterai Ludivine? J'ai pas de mots pour présenter. J'ai pas de mots. Non, sincèrement, on a vécu à trois une année tellement magnifique en tout, qui nous a rapprochés. Et à l'heure d'aujourd'hui, comme le disait tantôt, j'ai pas forcément de biens familiaux et d'amis sur qui vraiment compter. Et j'ai trouvé en Ludivine et Emeline comme deux grandes sœurs qui ont toujours été là pour moi. Et non, et franchement, Emeline, je la connaissais avant l'élection. Et Ludivine, je l'ai découverte dans l'élection et en aucun cas je regrette la rencontre que j'ai faite avec ces deux filles. Donc la présenter, je dirais que c'est la meilleure des deuxièmes dauphines qu'on pourra jamais trouver. Et elle sera jamais remplacée. Il y en a qu'une des deuxièmes dauphines. Donc voilà. De tous les temps. Non, vous avez de la chance. Temps, ouais, on a vraiment eu un podium en or cette année. Et on va s'occuper de Ludivine, enfin Canon va s'occuper de Ludivine évidemment, parce que tu vas nous faire le plaisir de donc tirer au sort donc, une boule à Miss. Et Canon va se faire le plaisir de poser la question. Alors, fais-moi plaisir, c'est une question démon. Ah, ouais, quand même. Avec ma chance, ouais. Ludivine est un démon. Alors. Ah, c'est une démon. Alors. Alors, c'est démon, rassure-moi. Ouais, alors évidemment, ça te concerne plus directement, mais je vais un peu l'interpréter. C'est qu'as-tu de plus que les autres candidates? Donc aujourd'hui, si tu te présentais et que tu disais ça serait moi la Miss Moucron, qu'est-ce que tu aurais de plus que les autres candidates? J'ai été deuxième dauphine, donc j'ai déjà l'expérience. D'accord. Voilà, j'étais pomme avant toi. Donc, j'ai été sur le podium. D'accord. Moi, un petit mot, c'est vrai, elles sont vraiment très attachantes parce qu'on a l'occasion de se rencontrer très très souvent par rapport à d'autres qu'on voyait un peu moins. Dans leurs événements, elles étaient, enfin pas froides, mais il y en a qui étaient un peu plus distantes. C'est vrai qu'elles sont venues pourtant à la radio, je les ai rencontrées ailleurs. Et elles sont vraiment, c'est pour ça que je m'entends bien avec elles aussi, elles sont vraiment très attachantes. À chaque fois, elles ont le peps. Elles étaient toujours en train de se marier. Et puis bon. Se marier. C'est pour ça que je me rapproche de toi, Laura. Mais ceci dit, moi j'ai eu très bon retour puisque vous avez participé donc à la fête du chocolat. Donc ce week-end. J'ai participé à la fête du chocolat, oui, en effet. Et oui. Bah, et donc comme beaucoup, Miss Moucron y était aussi, vous avez eu l'occasion de Miss Waterloo était aussi présent, donc j'ai eu un retour et on m'a dit c'était super. Donc on vous a fortement apprécié. Donc, les Moucron préfèrent de leur Miss de cette année. Alors gardez votre bonne humeur. Gardez votre humour, gardez votre fraîcheur parce que vous n'avez pas la garder longtemps. Hein, Canon. Je veux dire que Miss Moucron, Evelyne, est très impartiale parce qu'elle était sur le podium avec des chocolats et moi j'étais à 5 mètres à côté. Evelyne, balance. Il y avait des enfants devant la scène. J'étais le seul con à pas avoir vu un chocolat. Bon, en tout cas, Alors, le temps passe très vite parce qu'on passe un très très bon moment, mais malheureusement, il va falloir que nous passions donc aux prochaines candidates. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est Mélanie et Chloé qu'on va recevoir juste après vous, le temps d'une coupure musicale. Je Sherlock. Peux passer un petit message mais moi, je... bien sûr. Je voudrais dire merci à toutes les personnes qui m'écoutent et surtout à mon pote de tournée, le Manchot. Le Manchot. Oui. Bonjour à toi, le Manchot. Il fait quoi dans la vie, le Manchot? Il est DJ ou... Il est dans un casino. Ah oui, d'accord. C'est un bandit, lui. Ah, c'est ça. Oh là là, mon dieu. Allez, Sherlock. Bon, ben, moi, je voulais pas faire une petite coupure musicale. Je voulais faire une chronique, la chronique des sorties ciné, tiens. Bah, tu la feras après. Bah oui, avec les prochaines candidates. Bah, tu vas leur en faire profiter aux prochaines candidates. Bon, le temps de sortir. Je vais faire une petite coupure musicale. Ouais, une toute petite. Bah, fais, t'aimes bien faire la roulette. Fais la roulette avec nos amis Miss. Ah bah ouais, vas-y. Tu ne fais pas la roulette avec nos amis Miss. Alors, je vais faire tourner les titres et vous me dites stop. Stop. Stop. Madonna avec Vogue. C'est quoi ça? C'est un truc de vieux. Moi, avant tout, je voulais quand même Madonna, vous remercier de nous accueillir ici parce que c'est la troisième fois qu'on vient et bah, on adore venir et c'est toujours un plaisir. Donc, ah bah, c'est pareil, le prix. Vous êtes toujours les bienvenus. Hein. Bah, là, franchement, ouais, c'est un plaisir. Même si Sherlock il est moins bien, mais. C'est pas vrai. C'est ouais, lui joue à la aussi bien. Bon. Heureusement qu'il est là, sinon. Donc on revient juste après Madonna avec Vogue. Ouais. Je suis sûr que vous connaissez. J'adore. C'est obligé, vous connaissez. Écoutez, écoutez, écoutez, vous connaissez. What are you looking at? Bonjour, c'est les frères Taloche. Ça, j'aurais pu le dire aussi. Et nous sommes avec Harry. Mais sur RQC 95 FM. Tu l'as mal dit. Sur RQC 95 FM. On peut pas dire 95. Ah, tu vois. 95. Bah, de redis-le alors. Salut, c'est Bruno Taloche avec Harry sur RQC 95 FM. Oh, tu fais bien. Voilà. Allez, au revoir. À bientôt. Alors, si je ne m'abuse, je crois que les frères Taloche seront au centre Marius Saquet d'ici quelques temps, oui. Dans le cadre de Fou Rire Garanti, avec la fameuse pièce de théâtre Le Cave. Je ne sais pas si Marianne peut nous confirmer, mais je pense qu'ils seront au Marius Saquet. Oh, bah écoutez, les choses de mon fils. Ouais, ouais. On fait tellement son boulot, chacun de son côté, qu'on s'occupe ouais, pas ouais, tellement je de... sais que, mais je pense que c'est oui, c'est prévu, ça, c'est prévu. Ils seront là, ils seront chez nous d'ici quelques semaines avec la pièce de théâtre Le Cave qui a super bien marché sur Paris. Et donc ils vont venir faire une tournée un peu partout en Belgique, en France et ailleurs d'ailleurs. Donc voilà, donc non, on adore les frères Taloche, on les suit évidemment. Alors moi ce que je vous propose, c'est que avant de recevoir donc les prochaines candidates, donc les prochaines candidates ont deux prénoms merveilleux, Mélanie et Chloé. Ouais. Alors Mélanie, c'est celle qui fait ça, hein, ouais, c'est ça. Levée de la victoire. Pas merveilleux, merveilleux comme prénom, moi je trouve ça. Hein. Merci, c'est gentil. Alors avant de faire un peu plus connaissance avec Mélanie donc, et Chloé, je vous propose de parler aussi d'un événement, parce que bah, ça nous touche aussi, parce que et ça touche beaucoup Canon aussi, on peut le dire, c'est qu'il va y avoir un concert, repas, qui aura lieu au Touareg à Étampuis. Oui. Non, c'est pas Étampuis, c'est encore Waterloo, c'est encore Waterloo, mais c'est oui, du limite, c'est, hein, ouais. La limite, c'est juste ouais. À la limite. À la limite, donc oui. Un concert bien sympathique le 15 avril. C'est le 15 avril absolument, à partir de 20h. Donc voilà, on m'a demandé d'interpréter les 40 plus belles chansons internationales, voilà, un peu le et il y aura « You raise me up ». Il y aura, y aura certainement celle-là, mais tu sais, non, pour la petite anecdote, ouais, c'est, cette chanson me suit en fait depuis 2 ans parce qu'elle m'est demandée tout le temps. Bien sûr, mais, c'est une belle chanson. C'est... C'est une chanson qui, c'est une chanson franchement qui prend de l'ampleur. Et alors j'interprète autre chose. Donc les 40 plus belles chansons internationales, voilà, avec un voilà un très très beau matériel de sonorisation, un truc je peux vous dire, ça va envoyer. Et un bel écran parce que c'est un bel endroit. C'est un bel endroit. Donc c'est alors à vue de nez, j'ai plus le truc. Je crois que c'est 27 ou 27,90 €. Vous avez un méchoui avec la bouteille de vin pour deux personnes, avec l'apéro, avec le c'est vraiment un repas. C'est pas pour gagner de l'argent. Enfin, il y a beau être commerçant, on fait ça pour se faire du bien et on va recommencer ça au mois de juin devant plus de 250 personnes à l'extérieur. On le fera du tout. Ah, sympa, voilà. Sympa, et j'inviterai super, une sympa. Chanteuse que vous connaissez dont je parlerai une fois qu'elle m'aura dit qu'elle vient. Voilà. Donc Hélène Segarra viendra chanter avec. Ah non, s'il te plaît. Voilà. Ok, on verra ça. Vous mais en verrez. Tout cas, notez-le sur vos tablettes, hein, c'est le 15 avril évidemment, donc au Touareg. Il faut réserver certainement. Hein. Il faut réserver, bien il sûr. Il faut réserver, ça commence à se blinder, il reste une 12-15 de places, donc c'est. Voilà. Pas étonné. Donc, voilà, c'est bien. Mais il faudra faire tourner le message évidemment sur la page Facebook. Donc ça gueule pas, ça va pas chanter, je suis là pour passer une bonne soirée, style sentimental, un peu style Saint-Valentin, parce que j'avais eu l'occasion de le faire au Table de Bruegel, donc c'est pas prétentieux, mais on m'avait dit que c'était génial et on m'a recontacté pour ça. Et puis là, ça sera un repas intimiste, sympa, mais avec, voilà, je chante vraiment des chansons à texte comme j'aime, je fais le lover. Tu chantes Dadada ? Pardon ? Tu chantes Dadada, c'est une chanson à texte, hein. Attention. Dadada, c'est une chanson à texte. C'est, ok, bah c'est quatre sorts de ce corps. Ouais, c'est ça. Enchaîne, enchaîne, break, break. Allez, on va enchaîner avec la candidate numéro 6 et numéro 7. Donc Mélanie et Chloé, et on va faire la connaissance de Mélanie. Salut. Bonsoir, Mélanie. Mélanie. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Alors quel âge? 19 ans. Ah, ça y est. Un an de plus que l'année dernière? Ah bah bien sûr. Ah, merde. Oui, parce que t'étais là l'année dernière, mais pas la même couleur de cheveux, c'est ce que non. Tu m'avais dit. J'avais les cheveux beaucoup plus longs et j'étais brune. Ah, et pourquoi blonde? Pour changer. Bah, elle a vu que brune ça ne fonctionnait pas, elle s'est dit blonde maintenant. Attends. Et l'année dernière elle était sympa et maintenant elle est très sympa. Voilà. Ouf, on a voilà. Et bah écoute Mélanie, tu sais ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire, c'est que. Ah oui, tu chantes. Bah, tu vas non, chanter. Je ne chante pas. Ah si, parce que l'année dernière je crois qu'on t'avait sollicité oui, pour que tu chantes. Oui, mais on avait chanté. C'est ta deuxième année, Mélanie. C'est ta deuxième année. Ah elle bon, me dit, hey, Canon, rodé, si je passe, Canon, si je passe, tu dis rien avec ton collègue. Là. Faut pas que je chante. Bon, si maintenant je viendrais être sur le podium, peut-être que, mais sinon, non. Ah, parce que c'est la condition sine qua non. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois élu. C'est la récompense. Tu sais que je suis dans le jury, tu veux t'aider à monter sur le podium? Chante. Non, bah, on le note, honnêtement, si tu es élu et on te le souhaite, c'est le plus grand mal qu'on te souhaite, et ben écoute, tu viendras chanter dans les studios, ça c'est clair. D'accord. Mais en attendant, tu vas tirer au sort donc une question, une boule à Sherlock. J'adore ses sourires très pervers à chaque fois qu'on parle des boules de Sherlock. Là, par contre, tu lis pas la question. Hein, c'est tiens, c'est Sherlock, non, Canon qui va la poser. Allez, je vais la poser. Comme ça, je vais pas poser mon portable. Vas-y, je vais poser la question. Alors, Mélanie. Ouh, Ange. Ah, c'est tout. Quel est le nom, oh, ça va être compliqué, de la présidente du comité Miss France? Sylvie Tellier. Absolument, bravo. Et dommage, qui est Miss Univers? Iris Métenard. Qui est le plus beau mec? C'est mon copain. Non, dans cette radio, qui est le plus beau mec? Je te rappelle, je suis jury. Ah ouais, tiens. C'est Philippe. Ah, c'est beau, bravo. Ah, au moins, elle se laisse pas avoir. Ouais, oui, dans le studio. Non, c'est mon deuxième prénom. Non, un mec du studio. Non, joue le jeu quand même. Attends, on a Sherlock, ouais, on a Mike, on a Canon. Bon, il y a moi, mais bon, moi, ça sert à rien. Mais après, ben voilà. Et on a tu t'en es enfin rendu compte. Je suis pas un mec, quoi. Je ne frotte pas la manche du jury et je dirais Canon. Ah voilà, frotte pas. Non, mais c'est vrai, c'est un choix spontané. Bah, moi, je dirais pareil. Il y a une partie pris dans tout ça. Alors. Chloé, on va s'occuper de toi. Bonsoir, Chloé. Bonsoir, Chloé. Plutôt. Oui, bonsoir. Non, lui, c'est Harry. Plutôt, c'est le chien de Mickey. Oh. Fallait que tu la fasses, ça va. Ah, ouais, écoute. Ah, bah, je vais faire le plaisir de te poser la question. Si tu peux tirer une boule à Miss, s'il te plaît. Alors, Chloé, à savoir qu'il avait été déjà Miss dans le comité. Oui, je suis Miss est un puits. Voilà. Ah, ouais, tiens, voilà, je la présente quand même. On a Miss est un puits qui se présente à Miss. 2016-2017. Donc, t'as fait la bise à Daniel alors? Oui. Ah. Ouais, alors, il faut que tu m'expliques comment on est Miss est un puits et on souhaite devenir Miss Moucron. Pourquoi? En fait, à la base, Miss est un puits est reliée à Miss Eno. Mais comme j'ai été élue trop jeune, enfin. J'ai pas été élue trop jeune par rapport à Étampu, mais par rapport à Eno, j'ai dû venir, c'était mon choix, je suis venue plutôt à Moucron, et par la suite, après avoir éventuellement allé à Moucron, aller à Eno ou pas. Parce que ça veut dire que Miss Moucron te permettait justement d'aller vers Miss Eno, que quand Miss Étampu, tu pouvais pas, quoi. Si, elle était trop jeune. Ah bah donc tu pouvais pas. Étant élue voilà. Miss Étampu, je devais aller à Miss Eno, mais comme j'étais trop jeune, je viens à Moucron d'abord. D'accord. Parce que Chloé a 16 ans. Pour ça, je disais aussi, elles ont toutes, oui, même à 16 ans, l'élocution. Enfin, bientôt 17 ans, voilà. Maintenant. D'accord. Oui, non, mais... Moi, j'ai 17 ans. Je disais tout à l'heure en antenne, ça te concerne, oui, d'autres candidates, mais vraiment toutes, à 16 ans, elles ont, ça change. Elles ont une expression, même, voilà, la verbalisation des choses qui est agréable. La verbalisation. Ouais. La verbalisation. Mais des poils sous les bras. Désolé, messieurs. Après, il arrive un âge où on a des poils sous les bras. Sherlock, non. Non, mais Onissa, oui, par contre. Plusieurs avoir 16 ans. Oui, moi, je les assume. Ouais, je comprends. Alors, je vais me faire plaisir de te poser la question. J'espère que c'est une question démon. Je crois que c'est un démon. Vraiment. C'était rouge et noir. Ah, bah, c'est ça. Et oui, démon. Ah, oh, non. Yeah. Ah, oui. Alors, les candidates suivantes, c'est Joyce et Camille, que tu connais. Oui. Évidemment. Alors, je vais te demander de nous les présenter. En nous les qualifiant avec deux adjectifs qui vont à l'inverse de ce que tu penses. Oh, en fait, tu vas nous dire l'inverse. Si elles sont belles, tu vas dire qu'elles sont moches. Si elles sont gentilles, tu vas leur dire mais c'est méchant. Et oui, c'est méchant. Oh, c'est pas mon genre. C'est une question d'émotion. Non, mais Chloé, tu me disais en antenne. L'inverse de ce que tu penses. Tout à l'heure, je t'ai quand même entendu dire qu'Onissa ressemblait à Mimi Mati. Elle est belle. Ouais, non, mais Onissa, non. C'est ça. Elle s'enfonce en mort. Alors, il va falloir que tu nous donnes donc un adjectif sur Joyce et un adjectif que tu ne penses pas du tout. Tu dis l'inverse de ce que tu penses. Je dirais insociable pour Joyce. Ouais, mais non, l'inverse de ce que tu penses, vraiment. Non, justement, c'est l'inverse. Et pour Camille, je dirais... moche. Moche, voilà. Ouais, mais là, c'est vrai. Bon, elle nous écoute, évidemment. Méchant, hein. Il faut qu'elle comprenne, évidemment, que c'est l'inverse de ce que tu penses. Non. dans la bonne humeur, évidemment. Et ben écoute, merci. Enfin, écoutez, merci à vous. En tout cas, bonne chance pour l'élection donc du 8 avril, je rappelle, qui aura lieu donc au centre Marius Saquet. Vous restez avec nous, évidemment, parce que vous allez découvrir. Mais moi, j'ai une question, une petite question. Vas-y. Parce qu'en fait, tu es Miss Étain-Puy pour 2 ans. Oui. Et alors, si t'es élue Miss Mougron, tu vas diviser comment? Tu dois choisir? Tu dois faire un choix ou tu non, prends les deux Non, en fait, je vais pas devoir faire un choix, mais tout simplement, je vais devoir coupler. Et donc, quand il y aura la sortie Mougron, bah, je serai avec Mougron. Quand il y aura la sortie Étain-Puy, je serai avec Étain-Puy. Et quand ce sera une sortie avec les deux, bah, j'aurai les deux écharpes. Ah, tu portes les deux écharpes à ce moment-là. Et si elle met, les deux couronnes, ça fera Princesse Léa. Non, j'aurai une couronne, mais... Oui, parce que c'est... Ah ouais, quand même, ouais. Oui, puisque c'est pour 2 ans. Donc elle est encore en plein dans le règne d'Étain-Puy. Oui, ouais, ça va faire bientôt 1 an, là. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais compris. Donc, je dis, c'est dommage que t'aies pas d'enfant, parce que t'aurais pu faire Miss Maman, même d'enfant dans 2 ans. C'est pas pour tout de suite, hein. Bon. Elle est trop jeune. Allez, tu peux porter les... Merci les filles. À toi de jouer, mon ami Sherlock. Oui. Restez avec nous. Vous allez découvrir, enfin, vous allez peut-être avoir envie d'aller au Cinoche dans les salles. Si vous avez le temps. Sherlock, ne parle pas du Canada, mais c'est surtout. Bon, ça c'est fait. Voilà. Allez, vas-y, à toi de jouer. Bah oui, mais si, je suis obligé quand même. Ah, vas-y. Oui, je suis obligé. Donc, oui, effectivement, donc je vais vous parler des sorties ciné pour demain. Je vais commencer avec un film qui sort en Belgique et en France. D'ailleurs, en fait, ils sortent tous en Belgique et en France demain. Et je vais commencer avec Gangsterdam. Comme tu m'as dit de ne pas en parler, je vais en parler tout de suite. Matraquage. Avec Kev Adams, Manon Azem et Manon Mahoui. Manon Mahoui. Et donc avec Comme le vin, c'est un film de Romain Lévy. Et donc c'est Ruben, Durex et Nora. Durex. Ils sont tous les trois étudiants en dernière année de fac. Ruben décide de suivre Nora à Amsterdam. Donc Ruben, c'est Kevin Adams. Ruben à Amsterdam en plus, franchement. Bah ouais. Avec Durex. Bah ouais, il prend Durex, c'est obligatoire. Il décide de suivre Nora à Amsterdam qui s'est mise à dealer pour l'impressionner. Et donc lui, il s'est mis à dealer pour l'impressionner. Elle a dragué, mais c'était sans compter sur Durex et sa lourdeur. Lourdeur de Durex. Ouais, bah désolé, bah, c'est son prénom, après, enfin, son surnom à mon avis. Et donc, arrivé à Amsterdam, tout ne va pas se passer comme prévu. Ils vont être confrontés à des dealers là-bas sur place et ça va partir un peu en cacahuète. En couille, on dit normalement plus qu'il y a Durex. Non, mais on a des miss. Ça, c'est fait. Est-ce que tu savais, Sherlock, que sur un Durex, il y avait un code barre? Mineurs, tu le savais ou pas? Oui, oui, oui. Ouais. Tu le savais? Bon, hein. Non. Tu l'as pas déroulé assez fort. Tu l'as pas déroulé assez. Tu t'es mis là avant qu'on a bleu. Voilà, n'importe quoi. La prochaine fois, on va vérifier. Ouais. Tu vas te faire griller, mon garçon, devant 3 millions de hauteur à 2 millions 900 000 près. Excusez-moi. Bon, ensuite... Porte-avec. Alors, ensuite sort également demain, donc Baby Boss, c'est alors avec les voix originales d'Alec Baldwin, Tobey Maguire et Lisa Kudrow. On va pas les écouter avec. Ben non, mais les Baldwin Français, ils ont pas des voix, enfin, c'est pas des connus, donc. Et c'est un film de Tom McGrath. C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras, surtout quand il porte une cravate, qu'il se balade avec un attaché case et qu'il a la voix d'un quinquagénaire. Tim, 7 ans, a en réalité affaire à un espion que lui seul peut aider à accomplir sa mission ultra secrète. Et le but, c'est d'éradiquer les chiots. Ah oui, parce que les chiots vont prendre la place des bébés, donc... C'est un film d'animation, hein. Ouais, c'est un film d'animation. Alors, je pense que c'est par ceux qui ont fait L'Âge de Glace, il me semble. Ah d'accord. Ouais, je crois que c'est les studios DreamWorks ou un truc comme ça. Il y a des chances. Donc, tu me redonnes peut-être envie d'aller le voir. Parce que, ça a l'air vraiment sympa. D'accord. Ça a l'air vraiment sympa. Ensuite sort en France et en Belgique également le film Telle mère, tel fils avec Juliette Binoche, Camille Cotin et Lambert Wilson. C'est un film de Noémie Saglio. Donc, inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différente. Avril a 30 ans, elle est mariée, salariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit au crochet de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable parce que si Mado est en pleine crise de jeunisme, elle n'est pas prête à être grand-mère. Avril, quant à elle, a bien du mal à imaginer sa mère mère. Ah ouais. Un film français. Ça s'appelle Telle mère, telle fille. D'accord, super. Voilà. Ça peut être drôle. C'est un film français. Ouais, ça peut être drôle. Dans les comédies, on n'est pas trop mauvais. Ça a l'air sympa. Hein. Ouais. Il faut aller voir la bande-annonce. Non, non, mais justement, le trailer, l'écriture a l'air d'être assez savoureuse. Ça a l'air d'être bien écrit. Ouais. Ça a l'air d'être bien écrit. Je vous crois volontiers. Et enfin, je vais finir avec le blockbuster de la semaine. C'est Ghost in the Shell. Ah, ça, c'est bien. Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson, Michael Pitt et Takeshi Kitano. Et donc c'est un film de Rupert Sanders, donc ça se passe dans un futur proche. Le major est unique en son genre, humaine, sauvée d'un terrible accident. Son corps aux capacités cybernétiques lui permet de lutter contre les plus dangereux criminels. Et donc face à une menace d'un nouveau genre qui permet de pirater et de contrôler les esprits, le major est la seule à pouvoir la combattre. Alors qu'elle s'apprête à affronter ce nouvel ennemi, elle découvre qu'on lui a menti. Sa vie n'a pas été sauvée, on la lui a volée. Rien ne l'arrêtera pour comprendre son passé, trouver les responsables et les empêcher de recommencer avec d'autres. C'est tiré d'un manga du même nom qui était sorti dans les années 90. Faut aller voir celui-là déjà en premier. Ah, le vrai ouais, Ghost voilà. in the Shell, le seul qui a été écrit déjà en manga. Après voir l'adaptation. De Masamune Shiro, le manga à la base. J'espère que ça sera glauque, j'espère que ça sera dur, j'espère que ça sera saignant et horrible, parce que c'est le bien l'esprit de Ghost in the Shell. C'est sinon, ça. Si c'est Scarlett, va nous donner un côté féminin assez intéressant. Mais à part ça, j'espère que ça sera pas autour d'elle simplement et sa plastique. Alors, bah, Onissa, t'irais voir quoi? Le dernier. Ghost in the Shell. Bon, canon. Moi, j'aime les films d'auteur, donc Scarlett. C'est pas Ghost in the Shell. Okay. Ouais. Mélanie, t'irais voir quoi? Mélanie, c'est moi, ça c'est Chloé. Non mais t'as pas vu qu'il louche en fait depuis le début. <qu'il louche>, hein. Non bah moi j'irai voir Telle mère, telle fille. Et pourquoi? Parce que c'est rien que d'entendre le résumé, ça a l'air assez marrant. Ah c'est parce que c'est Sherlock qui l'a dit. Et donc Chloé? Moi j'irai voir Ghost in the Shell. Ah. Marianne, donc une petite idée de film. Telle mère, telle fille, oui. Alors Ghost in the Shell sort en Belgique également. Tu sais qu'il va passer donc au Forever, sûrement à Moucron, et ils font les sièges du haut, donc tu pourras aller avec Canon hein, s'il faut. J'ai bien je crois qu'elle va venir avec son père, hein, donc. Non, je disais pose-lui la question de savoir ce que c'est Ghost in the Shell parce qu'elle n'a pas entendu en fait. T'as réussi à dormir, hein, c'est pour ça. J'ai entendu qu'il y avait l'âge de glace ou un truc dans le genre. Il bosse. Non mais écoutez, je dis quoi? Bah, dis Ghost in the Shell et après je regarde. Demande-lui ce que c'est. J'avais Joyce et Camille qui me regardaient. On va te tuer. J'essaie de me rattraper. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai entendu des échos sur Ghost in the Shell par rapport à mon copain qui connaît un petit peu le manga. Il a dit que ça allait. Une tuerie. Ouais, ça allait être pas mal, ouais. Mais c'est ça a l'air. C'est parce qu'il y a Scarlett déjà. Hein. Je vais faire attention où il met ses yeux quand même. Hein. Et en plus, il m'écoute, donc fais attention quand on le rentre. Il s'appelle comment ton mec? Nicolas. Bah, Nicolas, écoute. Bah, t'es plus là. On te salue, j'espère que ça se passe bien dans ton jardin. Hein. C'est Nicolas le jardinier. Ouais, ce soir, il va se prendre un râteau. Bravo. Non, allez, bon, allez. Eh bien, merci à toi. À défaut de rouler une pelle. Merci à Mélanie et à Chloé. On vous souhaite bon courage, bonne chance pour l'élection. Merci beaucoup. Miss Moucron. Et puis, on va se faire une petite coupure musicale et on va recevoir donc Joyce et Camille. Joyce. Oui, on va se retrouver tout de suite après le titre de Cool and the Gang, Cherish. Oh yeah. C'est avec les mouettes. Avec les mouettes au début, ouais. Qui te chie sur la gueule. Ouais. C'est ça, ouais. Mais maintenant, je le sais, je m'écarte un peu. Regarde. We'll be right back. But love will stand the test of time. The next life that we live in remains to be seen. Will you be by my side? Bonsoir, vous êtes avec Pogo sur Radio RQC 80 à l'heure. Avec Richard. Hello. Oui, avec bien sûr Sherlock. Oui. Et Canon. Oui. Absolument. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ah, l'émission a déjà commencé. Oui. Avec Flipkat. Ah. Oh, fais chier. Je te parle pas, vous êtes toujours sur RTL. Salut les Azou. Ouais. Ouais, salut, c'est de la balle. Non, ouais. Et on salue au passage quand même notre ami Flipkat qui pour des raisons professionnelles, ne peut pas être avec nous ce soir. Donc, tant pis pour lui, parce qu'il aurait passé une très très bonne émission. Mais il sera avec nous, évidemment, donc la semaine prochaine. Alors, avant de recevoir donc les prochaines candidates, donc petite actualité quand même dans le coin, dans notre coin à nous, puisque c'est à Waterloo, puisque le week-end prochain, ce sera le carnaval, donc le 1er et le 2 avril. Alors, vous parlez du carnaval, vous connaissez évidemment. Il va y avoir donc deux événements assez sympas, puisqu'il va y avoir donc l'élection du prince du carnaval, qui aura lieu donc le 1er avril à partir de 19h à la salle Roger Salengro. J'aurai le plaisir de présenter avec mon ami Denis, et puis faire même l'animation sono, pour terminer vers 2h du matin. Donc, ça va être assez sympa. C'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre si vous aimez un peu le côté festif, vous aimez un peu l'ambiance carnaval. Donc, c'est à la salle Roger Salon Gros, donc à Waterloo, donc c'est samedi. Et dimanche aussi, on termine, on clôture donc le carnaval à partir de 16h jusqu'à 20h avec une soirée ambiance, enfin pas soirée, un après-midi ambiance carnaval à la salle Roger Salon Gros. Donc j'espère que vous viendrez nombreux. Donc voilà, il fallait que je vous en parle parce que bah, vous avez déjà bien déguisé ou pas déguisé? Ah oui, il faut venir déguisé, ouais, bah, c'est carnaval. Ah oui, bien sûr. Vrai, un petit mot aussi, c'est le 8 puisqu'il y a les élections de Miss. On a un comité, c'est le comité du Petit Courtrai qui organise la chasse aux œufs. Voilà. Ah oui, c'est donc, avant de venir à Miss Moucron, bah voilà, avec donc l'ensemble du comité. Donc voilà, venez chasser les œufs à partir de 10h. Et après, on chasse. Voilà, et après. Pardon? C'est des vrais œufs, oui, c'est des vrais œufs. Oui, non, il y a un budget, c'est vraiment sympa. Les enfants s'éclatent. Non, mais c'est pas des œufs au chocolat, enfin, je veux dire. En fait, ils prennent les œufs. Après, il y a des lots, ils récupèrent des œufs au chocolat, des choses comme ça. D'accord, non, sur le coup, ils mettent des vrais œufs. Donc, voilà. J'espère. Pardon? Des œufs. Je sens que ça va durer une heure. Donc, venez tous vers le 8 vers 10h, et puis ça se termine sur un repas avec gigot d'agneau ou assiette anglaise, etc., pour 15€ globalement, avec une animation. Sympa, ça termine à 16h, vous prenez votre voiture, vous êtes à 17h30 devant les Miss. Voilà, et tout simplement. Et devant une des candidates qu'on connaît, puisqu'elle était déjà venue dans l'émission, c'est Joyce. Oui. Bonsoir. Joyce, parfum de vanille. Oui, depuis tout à l'heure, j'ai dans ma tête. Ah, tu connais pas, j'imagine. Non, pas du tout. Ah, c'était une chanson de François Feldman qui s'appelait Joyce. Alors, Joyce, je t'en veux parce que je suis en train de te filmer. J'ai la même vidéo il y a un an où Harry te posait la même question. Ah, ouais, certainement. Bah, ouais, évidemment. Et tu répondais, mais pas avec tes cheveux blonds à l'époque. C'était les cheveux rouges, je crois qu'elle avait. Pardon. Voilà. Ah, dis donc, t'as une sacrée mémoire, Sherlock. Ouais. Et de la version Joyce. Il y a juste la couleur. Alors Joyce, deuxième fois que tu te présentes? C'est ça, tout à fait. Alors pourquoi tu t'acharnes justement à te présenter? Bah c'est une belle aventure. Ouais. C'est une belle aventure, on fait plein de choses, on découvre plein de choses, notamment sur Moucron, sur la ville du Hainaut, la Belgique, la culture générale. Puis on rencontre des personnes qui sont formidables. Alors, Philippe et Marianne, ils sont comment alors? Elle n'est pas là, donc tu peux nous le dire. Hein. Bon, Marianne et Philippe sont très bien, Philippe est très gentil, il râle jamais. Marianne, c'est vrai que des fois elle a des petites gueulantes, mais c'est logique. Alors le téléphone sonne en même temps, mais malheureusement on les prend pas en direct, on les prendra pendant la coupure musicale. Mais vas-y, continue. Chloé. Joyce. Eh ben écoute, moi ce que je te propose c'est de tirer au sort, donc... Une petite boboule. Une petite boboule. Et donc il y a... Bon. Alors, embrasse Roger. Tu peux pas lire, c'est nous qui lisons. Ah bah non. Et Onissa va se faire le plaisir de poser la question. Alors Onissa, pour Joyce. Voilà. Alors, qui préférais-tu voir comme membre de l'équipe dans le jury des Miss? Dans notre équipe, hein, bien sûr. À part Canon, il compte pas lui. Moi, je vais rester sur l'équipe féminine, donc vous, madame. Oh yeah! Madame! Oh là, t'as pris 20 ans! Alors, madame. Madame, ça fait 20 ans là! Bah, madame, c'est sympa, nous, c'est vieille top! Eh ben, moi, j'aime bien, voilà. Moi, j'assume mon âge, y a pas de souci. Non, c'est clair. C'est vrai que tu fais pas tes 72 ans quand même. Non. Et ce qui nous rassure, c'est que forcément, elle ne sera pas longtemps notre chroniqueuse sur la radio. Chroniqueuse, s'il te plaît, merci. Chroniqueuse, ouais, ça va, j'avais oublié. Ah, moi, j'oublie pas, hein. Eh ben écoute, Joyce, merci pour ta bonne humeur. Bah, ta sincérité. Et ta sincérité, ouais. Un petit mot sur Joyce, qu'on avait reçu. En fait, c'était une candidate, je lui ai dit, elle est vachement plus lissée parce qu'elle a toujours sa personnalité, elle n'a pas changé, elle ne fait pas semblant. Mais c'était un personnage qui était truculent, pétulant, etc. Et ça lui a valu des plaisirs aussi, un peu d'ennui parce que ça partait dans tous les sens. Ah bah, c'est une femme girl power. Et là, je la retrouve pas du tout transformée, mais. Plus posée, plus tout ça. T'as quel âge, Joyce? Je vais avoir 22 ans. Ah oui, voilà. C'est ça. Elle doit se faire des piqûres pour tenir, certainement. Elle doit se faire des injections, c'est pas possible. Je la reconnais pas, mais c'est bien, tant mieux. Bonne chance. Mais t'es la doyenne à 22 ans? Ben c'est ça, je suis la doyenne. Ah bah ouais. L'année passée, en fait. Ça marche. Ah, ouais. Ah ok. Ah oui, aussi, t'étais la doyenne, c'est vrai. Donc ça veut dire que Camille, par contre, quel âge tu as? J'ai 16 ans. Ah ouais, carrément. Un grand écart. Et comment tu nous la présenterais alors, Joyce? Une fille Camille. Très sympathique, c'est une belle rencontre cette année. Donc je suis très ravie de l'avoir rencontrée. Elle est gentille, toujours à l'écoute des gens. Ça c'est bien. Elle est festive comme moi, donc c'est très bien aussi. On s'entend bien, donc c'est très bien. Ah bah c'est cool. Camille, tu fais quoi dans la vie alors? Bah ici, je suis en CFA vente pour le moment, comme je vous ai expliqué. Et l'année prochaine, si tout va bien, je poursuis mes études en, animalerie pour soigner les animaux, en soignante animalière. Bien. Quel type d'animaux? Les chiens, les chats en général. D'accord. Les animaux domestiques. Les chats, oui, voilà. Mais non, elle ne veut pas soigner les cochons. Mais pourtant, maintenant, il y en a beaucoup qui ont des cochons, hein, en animaux. Et bah, tu sais quoi, tu vas tirer au sort donc une boule. Et Sherlock se fera le plaisir de te poser la question. Alors, j'espère que c'est une question démon. Ouais. Alors, juste pour revenir sur la chasse aux œufs, c'est pas le 8 avril, hein, c'est le 16 avril. Oui, oui. C'est Christopher qui a appelé justement pour dire Canon, il dit n'importe quoi. Christopher, t'es sympa. Bon, je te rappelle, c'est moi quand même qui fais l'affiche. Mais c'est vrai que j'ai oublié, j'en fais beaucoup des affiches en ce moment. Absolument, mais tu as raison de le dire. Ouais, ouais, mais il y a un événement le 8 et par contre, je vais en parler dans 5 minutes. Il y a ça un marche. Événement le 8 aussi. Et ben, on en parlera aussi. Roger nous a envoyé un petit message via Facebook, oui. D'ailleurs. Alors Roger nous a souhaité une bonne émission et il salue toutes les misses. Donc et il dit qu'il nous écoute. Bon, alors nous, par contre, on l'écoute pas, mais mais on le salue quand même. Mais on le salue, on l'aime bien quand même. Donc Roger Roussmans, en fait, qui fait partie du comité du quartier de Petit Courtrai, qui est jury en fait aussi à ce titre, donc dans Miss Moucron. Ouais. Voilà. Et bah, je te salue aussi, Roger. Et il est désolé, il aurait voulu venir, mais il a pas pu. Là. Bon, bah, ça marche. Voilà. Alors, on va revenir à une jeune demoiselle qui est honnête, Camille. Oui. Eh ben alors Camille, je vais te poser une petite question, oui. Démon. Yeah. Alors pour toi, qui est la personne la moins cool dans le comité organisateur? Et pourquoi surtout? Alors la bonne question. Marianne, Christopher. Voyez pas là Christo, vas-y. Philippe. Laurent. Je dirais aucun parce qu'ils sont tous... sympa. Oh, t'as envie d'être élu, toi. Ouais. Non, du tout, mais... Christopher, il est pas sympa. Pas oh non, Christopher, il est chiant, tu peux le dire quand même. Ouais. Ça reste entre nous, personne ne l'entend. On rigole bien avec lui. Non, en plus, il est adorable, lui, Christo. Ouais, tu peux le dire. En plus, c'est pas comme s'il venait d'appeler la radio il y a quelques minutes. Oui, c'est vrai, on parle de Christopher Renard, donc qui est chorégraphe aussi, qui s'occupe, qui est la tout jeune mariée, et qui s'occupe surtout dans le comité de Miss Moucron, de mettre en place tout ça au niveau aussi technique, au niveau chorégraphe. Donc on t'embrasse parce que c'est déjà gentil de nous écouter. Avec, T'es gentil, tu l'embrasses. Hein, Moi, j'embrasse. J'ai envie de l'embrasser, moi, Christopher. Tu lui serres la main. J'embrasse sa femme. Ah ouais, d'accord. Non, Christopher, je te salue au passage, bien évidemment. Eh bien, merci à Joyce, à Camille. Et merci bonne chance pour l'élection de Miss Moucron, qui aura lieu, je rappelle, donc, le 8 avril au centre Marius Taquet. On va faire une petite coupure musicale et on va recevoir donc juste après Alicia et Yasmine qui vont nous faire le plaisir de leur présence. Donc, juste après cette coupure musicale, Sherlock. Alors, avec The Police et Every Breath You Take. C'est une petite dédicace pour la maman de Chloé. Ah bah écoute, comment elle s'appelle ta maman? Non, ça Chloé, c'est Camille. Chloé, c'est la précédente. Chloé, c'était la précédente. L'une des candidates qui était avant. Ah d'accord. Oui. Il s'en sort plus là. Quand il y a trop... était là, il a jamais appelé Chloé. Il a toujours appelé Laura. Ouais. Et puis maintenant qu'elle est partie, il dit que Chloé. Voilà, c'est ça. Allez, Chloé, Every Breath You Take. C'est parti. Thank you. Et voilà, oh là là, on est revenu à l'antenne. C'est l'effervescence ici dans le studio. Vous êtes toujours sur RQC. C'est ça, ouais. Mais oui. C'est vrai que c'est l'effervescence, là, dans le studio, ça bouillonne de partout, là. Parle pour toi, je suis paisible, tu vois, je suis bien. Il reste imperturbable. À part Canon et toi, il n'y a que vous deux hein, qui bouillonnez. Ça va, hein, tout va bien. Ah ouais, mais toi, t'es trop vieux. Alors, moi, ce que je propose maintenant, si vous êtes d'accord, c'est que nous recevions donc la prochaine candidate, qui est Alicia. Alicia. Et on va recevoir aussi, alors, Mimsy. Alors ça, c'est une longue histoire d'amour, Mimsy. Et ouais, Mimsy. Alors, Mimsy, pour la petite info, on l'avait reçue dans les studios en 2009. C'est bien ça, hein ? C'est bien ça. Prends le micro, Mimsy, si tu veux bien. Et on l'avait reçue en 2009, puisque tu as été élue donc Miss Moucron en 2009. C'est ça, tout à fait. Mais vous m'avez reçu avant, parce que j'ai participé également à l'élection de Miss Erzo. Oui, donc, je pensais à ça aussi, avec Marc, à l'époque. En tant que candidate en 2008, d'abord. C'est vrai, absolument. Puis en 2009, vous m'avez revu en 2010 avec les candidates Miss Erzo et les candidates Miss Moucron. Mais tu sais que ça ne nous rajeunit pas, hein, ce que tu es en train de dire, parce que si on fait le calcul... à l'époque, elle, ça se voit moins. Ouais, mais c'est ça. Ouais, alors, ça va. Hein. Sauf que elle, quand elle était venue, j'étais un peu plus vieille qu'elle. Hein, donc un peu plus vieux qu'elle. Mimsy, mais tu l'es toujours, hein, t'inquiète. Ouais, voilà, t'as pas rattrapé le retard. Hein. Putain, vous avez décidé d'être méchant, ça, en quoi ? Bah non, réaliste. Non, réaliste. Donc Mimsy, ah ouais, à l'époque, on va taire ton âge, hein, parce que je crois que voilà. Il se barre. Donc elle était revenue donc dans l'organisation de Miss Moucron. Juste cette année en fait. Ouais. Donc il y a quelques années, j'ai eu un petit garçon entre deux qui a 5 ans, enfin, qui aura 5 ans au mois d'avril. Mm-hmm. Et j'avais repris contact avec Marianne parce que je souhaitais venir voir le spectacle. Et donc là, elle m'a annoncé que justement, on allait recommencer la même comédie. Notre drame de Paris, voilà, tout à fait. Et donc, dans lequel, justement, j'effectuais le rôle d'Esmeralda. Ah bah, je suis pas étonné. Bah ouais, j'allais le dire. Ah ouais, carrément. Oui, parce que le bossu, ça lui allait moins. Et donc, voilà, elle m'a proposé éventuellement de l'accompagner dans tout ce qui est défilé. Donc moi, avec grand plaisir, je suis revenue parmi le monde des Miss. Parce que ça faisait quelques années quand même, depuis 2009, donc voilà, avec grand plaisir, je suis de retour, mais de l'autre côté, cette fois-ci. En étant doyenne, quelque part. Ah bah oui, doyenne, par rapport, oui, on va pas donner ton âge, encore une fois, on va pas dire que t'as 40 ans, mais tu vas remonter sur scène pour notre drame de Paris ou pas ? En début de spectacle. Mais tu tiens plus le rôle d'Esmeralda ? Si, un petit peu, on va dire. On ne doit pas tout voiler. Elle va faire la mère d'Esmeralda maintenant. D'accord. Elle va faire la mère d'Esmeralda. D'accord. Ah ouais, voilà, non, mais et c'est vrai, mais, tu n'as pas changé, vraiment. Merci. Mais c'est vrai, depuis pas 2008 en fait. 2008. Elle est réelle, non ? Ça fait quand même 9 ans, hein, je dis ça au passage, mais. Nous, on a changé, toi, moi. Voilà. Bah, nous, parle pour toi, s'il te plaît. Attends, il met tout le monde dans le même sac. Quoi. Sherlock, il change pas, il reste. Mais il n'était pas là déjà pareil. À l'époque. À l'époque, non. Je pense non, il n'était pas là. Non, il n'était pas là. C'était un petit jeune quand on vient de. J'étais là avant, en fait. On te met pas dans le même sac, sinon toi, ça fait longtemps qu'on l'aurait jeté. Hein. Alors toi, tais-toi. Hein. Alors. Pas gentil. Quoi. Donc, tu fais quoi dans l'organisation ? Je pense que tu interviens sur la mise en scène, c'est ça ou Accompagner les jeunes filles par rapport au défilé, comment se tenir. Marianne me propose de les accompagner également en sortie. Mm-hmm. Voilà, c'est une aide que je donne à Marianne. C'est plus, j'épaule, on va dire. D'accord. C'est Marianne qui est à la base de toutes les chorégraphies. Mais voilà, je donne certains conseils et j'ai eu la chance cette année de participer. Au jury, donc je fais partie des membres du jury, donc grâce à Marianne. Ah, mais t'as le droit d'être juge et partie, parce que quelque part tu fais partie du monde du jury, mais tu fais partie du spectacle aussi, donc Oui, mais elle ne concourt pas. Voilà, je ne concours pas. Ouais, c'est vrai. Et voilà, c'est en début de spectacle, donc voilà. D'accord. Eh ben, écoute, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Oui. Ah bah bien sûr. Il y a une deuxième personne qui participe également, qui participera également. Ah bah Canon, évidemment. Partie du jury, voilà. Bien sûr. Ah voilà, mais ça, c'est par contre, c'est dommage. Hein. Il fait partie. Ouais, jury, ça gâche tout, mais bon. Ça gâche tout, hein, mais bon. Faut assumer après. Hein. Bon, bah écoute. Eh ben, on va aussi te soumettre évidemment aux questions de Miss. Tiens. Alors j'espère qu'elle va être d'actualité. On va demander à Onissa de te poser la question. C'est une question ange ou démon. J'espère que c'est démon. Démon, ce serait sympa, ouais. Ouais, quand même. Alors, il faudrait que tu l'adaptes par rapport à Mimsy. Bah ouais, non. C'est non, celle-là, on va la garder. Pour... Ouais, on va la garder. Tu peux retirer. Vous êtes vachement radiophonique, je trouve. Hein. Bah ouais, non, mais c'est des questions qui sont plus adaptées aux candidats, donc forcément. Donc, du coup, j'ai droit à un joker si je réponds mal, étant donné que. Non, ah là, c'est démon, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, tourne autrement. Bah non, non, mais c'est pas possible, c'est pas des questions. Non, c'est vrai, c'est un peu compliqué parce que c'est des questions qui sont pour les candidats, pour les donc candidats, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, on va te poser une autre question. Est-ce que tu es célibataire? Bah non, elle est maman. C'est bizarrement, je m'y attendais. Fallait bien, fallait qu'on s'adapte. Non, c'est un peu compliqué parce que c'est pour les candidats. Oui, mais bien sûr. Mais j'ai un petit garçon. J'ai un petit garçon. Je sais bien. Il y a pas de souci là-dessus. Tu viens te prendre avant. J'adore. Merci. Mais je ne suis pas célibataire non plus. Ça fait le 30e, mais j'adore. Mais moi aussi, ça t'amuse. Non. Allez, ce qu'on va faire, c'est que Mimsy, si tu es d'accord, tu vas nous présenter donc effectivement la candidate, le numéro dont j'ai oublié d'ailleurs. 10. Alicia. Alicia. Donc si tu pouvais nous présenter Alicia, tu dirais quoi d'Alicia? Donc Alicia est une personne qui est toujours présente. La preuve, elle est là ce soir. Voilà, tout à fait. Donc c'est une jeune fille qui aime beaucoup la danse, je pense, qui effectuait pas mal de danse, qui s'est présentée à l'élection de Miss Dottigny, si je ne me trompe pas, l'année dernière, et elle est élue, donc elle est actuellement Miss Dottigny. Voilà. D'accord. Donc, c'est une sacrée brochette de Miss. Hein. Ah. Et c'est un puits, Miss Dottigny. Donc tu as fait la fête de la main. C'est ça, exactement. Ah oui, très belle, très beau. Très beau. Tu préfères le pôle sud, le pôle nord ou le pôle dent? Ou le pôle emploi? Tu fais du pole dance, du pole dance. Ah ouais, c'est vrai, tu fais du pole dance. Excellent. Ah, ça va mieux tout de suite. Tu fais du pole dance. Bah ouais, voilà. C'est excellent. On a une barre à pole dance. Hein. Tu vas nous faire un micro. Ah, c'est excellent ça. Et tu t'en fais où? Sous la piscine des dauphins à Moucron. Ah oui. Sous la piscine. Oui, il y a un club de. Mais tu sais qu'on est sous la piscine ici. Ouais, je sais bien. Mais blague à part, on a eu il y a quelques années, 3-4 ans, des cours de pole dance ici dans les studios. Dans le bar, où il y a une troupe qui est venue justement répéter du pole dance. Je crois que tu étais là, Canona, à l'époque, où ils sont venus répéter faire du pole dance avec une championne de pole dance de France qui était venue ici. J'adore ça, mais alors tu te produis après sur scène ou Non, pour l'instant, ça fait qu'un an et demi que j'en fais, donc tu donnes cours Non, je prends des cours. C'est chaud. Ah, ça, c'est hyper physique, hein, attention. Ah, elles sont remplies de l'eau au départ. C'est énorme. C'est un investissement. Ah, c'est génial. Oui, c'est bien. Il y aura du pole dance pendant le spectacle ou pas? Ah, c'est dur, hein, Eddy. Ouais, c'est sûr que Mario Staquet avec des barres, ça va être un peu compliqué. C'est ce que j'aimais une fois dans, je sais pas, France Got Talent et tout ça, c'est que c'est souvent un sport qu'on assimile aux fans et même très sexué et tout ça, alors qu'en fait, quand on regarde le côté gymnastique, technique et tout ça, il y a un gars qui faisait au niveau professionnel, donc sans être péjoratif, quand tu vois le niveau, enfin, un peu de danse, on a fait de lui, c'est un phénomène ce qu'ils sont capables de faire autour d'une barre. Ah, mais j'adore. Voilà, donc il faut des super abdos, un très joli corps, beaucoup de motivation. Pas forcément, hein, il ne faut pas être forcément svelte. Non, mais il faut avoir de la force dans les bras, hein. c'est un truc. Dans les fesses. Moi je fais du pool dance, moi c'est pas pareil. Il fait du poulpe dance. Du poulpe dance, ouais. Alors Alicia, tu vas nous faire le plaisir de nous tirer donc une boule à Miss. Ah bah c'est une des deux qui est là, tu peux... Ah bah non, bah prends-en une, ouais bien sûr. Ouais, non, tu... Et donc Onissa va se faire le plaisir de te poser la question. Merci. Je fais le roulement de tambour. Hein. Alors, si tu pouvais lancer un sort et ajouter un défaut physique, une jambe plus courte, un nez crochu, à quelle candidate le lancerais-tu? Ah, c'est une question méchante. Hein. Oh oui. Ah, c'est des méchants. Bah, profite, tout le monde n'a pas la chance de l'avoir. Non, mais. Alors, pas forcément une candidate, mais si tu devais lancer un mauvais sort à une des candidates sans qu'on connaisse le prénom, tu dirais quoi? Tu dirais, tiens, à celle-là, j'aimerais bien que. Mais tu dis pas le prénom, mais si tu peux le dire, c'est encore mieux. Non, je dirais pas de prénom parce que je vois pas. Ah, c'est une question vache, hein, ça c'est clair. Ouais. Non, je sais pas, je serais même pas vous répondre dans le sens que. Mais je m'entends avec toutes les candidates, donc toutes sont chouettes, donc je ne sais pas vous dire du tout. On devrait vous poser la même question. Ah, il dit, ah bah, mais nous, on répondrait. Ah, on va se lâcher. Ah, bah, on répondrait. Moi, j'aimerais bien qu'on coupe la langue à Canon. Je te le dis tout de suite. Ils m'ont coupé la langue. Ah, mais nous, il n'y a pas de souci, on répondrait. Hein. Tu peux même demander à Canon, hein, il va répondre aussi. Hein. T'aimerais bien lancer un sort à qui et tu dirais quoi? Ah, moi, ça serait Sherlock. Ah, ouais. Qui, je sais pas, plus capable de faire sa chronique ciné. Ah, bon, j'y arrive. Pas capable. C'est ça, j'y arrive. Bon, en tout cas, merci pour votre bonne humeur. Merci Alicia, merci Mimsy. Mais non, on va recevoir Yasmine juste après la coupure musicale. Yasmine et Ever, tout un programme. Ever. Est-ce que je peux The Razor. Ah, bah, ici, dans le Nord, vous dites Ever, mais c'est oui, Ever. Non, c'est Ever. Avec la langue entre les dents. Ever. Excusez-moi, on a des candidates qui voudraient passer un message. Merci. Vas-y, Mimsy. Juste faire un gros bisou à mon fils, mais qui dort déjà. Comment il s'appelle? Thiago. Thiago, tu fais des gros bisous. Voilà, et tiens aussi... donc la barre et tiens bon l'avant, Thiago. Voilà. Oh là là là là. Et alors aussi un petit coucou à Anne Ardouin. Qui nous écoute chez elle et qu'on n'oublie pas, on lui fait tout un gros bisou. Et voilà. On lui fait un bisou aussi à Anne, évidemment, à toute la famille Ardure d'ailleurs. Et qui nous, voilà, qui aide énormément dans la famille depuis des années et qui est toujours là. Donc voilà, on lui fait un gros bisou. Il y a un peu beaucoup de monde de la famille Arduin. Il y a aussi Démis Maman qui aide. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autour. C'est une grande solidarité, en fait. C'est chouette. Coiffeurs aussi, il y a beaucoup de sponsors, mais on n'en est plus sur le sponsor financier. On est plus sur des gens très investis. Par amitié, oui. Voilà, non, vraiment, c'est ce que j'ai bien aimé. Moi, la première année, j'ai trouvé ça très, très sympa. Alors, on se fait une petite cover musicale. Oui. Et on va recevoir juste après donc Yasmine et... Ever. Voilà. Et ben, on revient juste après Jermaine Jackson et Piazzadora. Ah ouais. Avec. Allez, vas-y, je te laisse dire le titre. And when the rain begins to run. Non. To fall. To fall. Begins to quand la pluie commence à tomber. Ouais. When the rain begins to fall. C'est pas c'est ça. Allez, c'est parti. We'll be right back. Vous êtes sur Radio RQC, c'est Sabine Paturel, et vous allez écouter mon nouveau single, Je me fous de tout. Attention, attention, ça va danser. Je me fous de tout. Et je fous tout en l'air, je donne des coups. Jermaine Jackson et Piazza Dora dans When the Rain Begins to Fall, quand la pluie, on l'a traduit, commence à tomber. Mais c'est pas le cas parce que vous êtes toujours sur donc RQC 95 FM dans l'émission 80 à l'heure avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avec Mr. Harry. Yes. Et la très belle, la très séduisante, la... attends, j'ai pas fini. Mal la super, il nous faut à ta bouche. La magnifique Onissa. Hello. J'ai mis le micro dans la bouche, pardon. Et nous sommes toujours avec donc le bah, les candidates Miss Moucron 2017 avec l'élection qui se passera le 8 avril donc au centre Marius Taquet à partir de 19h. On compte sur vous nombreux dans le spectacle Notre Drame de Paris qui sera interprété par toutes les candidates. Une chorégraphie de Marianne Arduin, de Christopher Renard, de Missy, j'ai pu aidez-moi. Roger. Coupé, pardon, j'allais dire Roger. Excuse-moi. Voilà. Et deux candidates que nous allons recevoir maintenant et que Onissa va se charger de présenter par rapport à les petites notes que je vais te donner. Voilà. Nous avons la candidate numéro 11. Bonsoir Jasmine. Bonsoir. Alors on dit Jasmine ou Yasmine ? Yasmine. Yasmine. Qu'on avait reçue l'année dernière. Hein. Oui. Je me rappelle du sourire en fait. Oui. Pas le haut du visage, que les dents. Je me souviens qu'elle était assise à la place de Canon même. Oula, dis donc, t'as une de ses mémoires, toi. En même temps, elle ne serait pas à ma place hein, parce que je suis toujours là. Donc, c'est ça. Mais j'avais une chance sur deux, mais là, je me souviens qu'elle était assise à la place de Canon. Et alors, et comment ça s'est passé l'année dernière Ça s'est bien passé? Oui, très très bien. J'ai adoré le spectacle, les filles, vraiment tout des miss quoi. C'est pour ça que je recommence aussi pour la bande entente avec les filles, un peu pour le spectacle aussi parce que j'aime bien faire de la danse et tout ça. Donc c'est aussi pour ça que je recommence un peu. Et comme j'ai bien grandi grâce à Miss Moucron. C'est grâce à ça. Allez, grâce à eux, grâce à Marianne et Philippe aussi que t'as j'ai bien grandi. T'as pris de la maturité ou t'as grandi en centimètres? Deux centimètres aussi. Un centimètre. Ah. Tu as quel âge, Yasmine? 18 ans. Ah ouais, toute jeune aussi. Ouais. Oh, oui, ils sont où nos 18 ans, vraiment? Je sais pas, je les ai rangés dans un sac, je crois, à un moment. Ah, tu ça fait longtemps que tu les as rangés. Hein. Wow, c'est ça, ouais. Oui, on a eu un aperçu. Alors, Yasmine, tu vas tirer au sort donc une boule à Miss. Et Canon va se faire le plaisir de te poser la question. Ah oui. Oh non. Ah, attention. Oh non. Donne-moi du démon. Alors. Là, ça va être ange. Je sens que Yasmina. C'est ange. Ah, c'est un ange. Ah, c'est une belle question, mais elle est très profonde. Pour toi, quel rôle doit avoir avant tout une Miss? Merci Yasmine. Ah ouais, les qualités d'une Miss. Ouais, pour toi vraiment, que représente une Miss pour toi? Si tu l'es aujourd'hui, qu'est-ce que tu as représenté? Bah déjà, bien représenter sa ville, savoir parler avec tout le monde, et aussi... je sais pas vraiment, allez. Oui, écouter RQC, l'émission 80 à l'heure. Oui, aussi. Fait sa promolie. Ouais. Non mais les qualités en tant que telles, parce que oui effectivement on se présentait évidemment, mais les qualités, est-ce qu'il faut être sociable, enjouée, oui. Souriante, ouais. Sociale, parler avec les gens, pas avoir peur de parler. Mais donc du coup t'as plus peur parce que, enfin est-ce que t'as... Ça t'a on voit que t'es complètement aguerrie là maintenant, ça y est. Hein. J'ai plus peur de parler avec les gens comparé à l'année passée, encore que j'étais une toute petite timide... Mais j'ai l'impression, parce que je garde en mémoire peut-être le fait que tu étais un peu moins loquace à la radio, et que là tu l'es beaucoup plus. C'est possible. Bah ouais, c'est l'impression que ça me donne, je peux me tromper. Ouais. Hein, mais C'est pour ça, mais c'est vraiment toute la partialité, puisqu'il y en a certaines que je revois, on va dire, jury, mais non, mais moi ça changera rien. Mais par contre, je lui disais, parce qu'on s'était rencontrés à nouveau dans l'élection Miss Maman aussi, je me dis, tu grandis, et bon, grâce à toi, à ton travail, à Marianne et tout ça, ils sont encadrés, et c'est vrai que bah, des jeunes filles aussi, il y en a de 16 ans à l'époque, 17 ans, mais qui deviennent bah, vraiment jeunes femmes, parce que tu discutes, bah, malgré les différences d'âge, tu as des personnes plus matures, on peut déconner aussi, on sent qu'elles prennent confiance en elles et tout ça, moi je trouve ça... J'aime bien. Moi j'ai envie de dire à Marianne quelque part, c'est que Miss Waterloo. Miss Moucron, pardon, excusez-moi. Parce que je suis de votre l'autre, excusez-moi. Mais Miss Moucron, quelque part, c'est un peu l'école de la vie, quoi. Enfin... C'était exactement ça. Mais oui, c'est pas juste... On voilà, parle un peu de tout, on ne parle pas seulement des Miss, on parle de la vie aussi. Et voilà. C'est vrai, leur non mais sérieusement. Leur comportement, leur façon d'être, on leur explique, bon, je râle souvent, hein, tiens-toi pas comme ça, oh attention, comment vous allez prendre votre couteau quand on va dans un restaurant, tenue, pas les coudes sur la table, oui, c'est une école de bien-être et du savoir-vivre. Oui. Mais carrément, ah ouais, mais là tu me fais penser un petit peu à De Fontenay. Bah, c'est la même école. Hein, ah bah oui, mais c'est ça, c'est un peu ça le principe aussi, c'est faire en sorte que des jeunes femmes deviennent des femmes, quoi. Voilà, en gros, c'est ça, hein, c'est ça. Pas mais seulement soit belle et tais-toi, c'est ce qu'on attend d'une Miss, oui, voilà. De pouvoir s'exprimer, de pouvoir se tenir par des jolies manières et... C'est bon chic, bon genre, comme on dit. Oui, elle doit, ouais. Elle doit faire rêver justement par voilà. Ce côté-là aussi. Hein. Ouais. Eh bien, écoute, Yasmine, on te souhaite une bonne chance pour l'élection donc, de Miss Moucron. On y sera, évidemment. Charlotte y sera. Hein. J'espère bien, oui. Bah, t'as intérêt. Assez vite. Ouais, ça ouais, c'est genre ton déménagement, mon ami. Ouais, ouais, merde. Dire. Oh non. Moi, j'y serai, ça c'est clair. Ouais, c'est du soir. Oh, mais, non, mais après, il faut remonter les meubles. Donc, Non, mais ta femme devrait déménager très vite. Elle nous a demandé de l'aider. Alors, Yasmine, tu vas nous présenter. Alors, à chaque fois, j'ai des problèmes avec ton prénom. Alors, Ether. On dit Ether. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, en anglais, c'est Ether. Non, Ether. Normalement, tu mets la langue entre les dents et tu fais Z. Pour une fois, tu la mets plus là. Ouais. Voilà, c'est ça. Ether. Ouais. Je sais qu'il y avait l'été, le printemps, l'hiver. Alors, Ether, je viens de découvrir qu'on avait un point commun. J'aime beaucoup son papa, qui est Stéphane. Oui, je le salue au passage. Et franchement, oui, on s'était croisés. Et j'étais loin d'imaginer que tu étais la fille de Stéphane. Voilà, donc tu es quand même plus jolie que Stéphane. C'est-à-dire qu'elle a un peu plus de cheveux aussi. Ouais. Aussi, tu as un peu plus de cheveux que ton on père. Pour toi, d'ailleurs. Ah si, j'adore Stéphane. Et effectivement, on préfère ton écharpe. Voilà. On va être content. Mais donc, c'est pas la première fois que tu te présentes, toi ? Non, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois ? Ouais. D'accord, ok. Bah, okay bah, quel âge tu as ? 16 ans. Ah, toute jeune. Voilà. Bah oui, je comprends bien. Je comprends. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à te présenter ? Bah, justement, je voulais m'assurer. Ouais. C'est important de s'assurer dans la vie, savoir parler, savoir s'exprimer. C'est super important, même dans les futurs jobs. Et j'avais vraiment envie d'apprendre de cette maturité. Et voilà. T'exprimer en public. Et, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident hein, quand même. Parce que ouais. Honnêtement, Yasmine, pareil. Hein, je veux dire, c'est quand même, vous allez faire un show, vous allez être sur scène. Il va y avoir plus de 400 personnes, même plus, on est à 450, Marius Taquet. 420 personnes. 420 personnes. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas évident. Alors, non seulement faire du show, danser, faire de la comédie. Et après défiler. Ouais, défiler. C'est vraiment chaud parce que là, c'est vraiment très complet. Quoi. C'est pluridisciplinaire. Je pense pas que nous, on soit capable de le faire. Autant qu'Anon, par exemple, il saurait chanter, il saurait danser. Je suis pas sûr qu'il saurait défiler. En maillot de bain, ouais. J'adore ça. C'est quand même pas, c'est quand même pas donné, c'est quand même pas évident. C'est quand même. Ouais, et oui, ça, oui, et s'exprimer, ouais, c'est quand même pas évident. Et moi, personnellement, je suis pas sûr que. Ah, si, s'exprimer, il n'y a pas de souci, mais après. Bon, on l'a remarqué. Défiler, hein. Machin. Là, ouais, je serais pas chaud. Hein. Pourtant, c'est je t'ai déjà vu en jupe, au talon. Ouais, d'accord, mais bon. Formidable. Ouais, mais pour, ouais, mais pour déconner. Je suis en train de chercher les photos. Non, sur scène. Bah oui. On le reverra le 17 octobre. Ouais, je devais tous à venir sur le dernier bon, final ouais, de Sommagique. Ouais, d'accord. Avec lui, voilà. Ouais, merci. Ok, merci. Ouais. Merci. On en parlera tout je cherche les photos. Alors, ce que je te propose, c'est de tirer donc une boule à Miss. Enfin, c'est une boule à Sherlock, en fait. Ouais, voilà. À l'origine. Et bah tu te donnes à Sherlock, il va se faire le plaisir de te poser la question. Non, Sherlock, c'est le truc là-bas. Ils sont pas gentils avec. Le truc te remercie. Alors, c'est une question. Ah, une question démon. Ah, et vas-y, et prends la voix. Hey, fais-moi plaisir, prends la voix de Doc. Ah, ah ouais, ça ferait plaisir. Ouais. Alors, tu connais Doc dans Retour vers le futur ? Est-ce que t'as déjà vu Retour vers le futur ? Oui, bien sûr. Non, ah, ouais. C'est ça. Vas-y. Continue. Vas-y, s'il te plaît. Donc, nom de Zeus, Ether. Si tu es Lumis, quelles sont les deux candidates que tu souhaiterais avoir comme dauphine ? Si tu fais peur, tu le dis. Bonne question. Franchement, j'en ai aucune idée parce que je m'entends avec toutes les filles. Elles sont très agréables, très souriantes. Enfin, je les aime toutes, donc je ne pourrais pas répondre à cette question, malheureusement. Ah, c'est beau. Ah, ouais, ça le mérite d'être clair. Ouais. Eh ben écoute, merci à toi. Alors, je vais pas prononcer ton si, prénom si, parce que. Non, je te promets, on était tous attentifs. Bon, merci à toi, Heather. C'est celle qui porte l'écharpe en Uber. River. Heather. Heather. Heather. Heather. Heather. J'ai un problème avec ce prénom. Autant Yasmine, il n'y a pas de souci. Non, mais tu le dis, je suis à côté, tu le dis en anglophone. Ouais, il y a eu Heather Locklear. Je saigne des oreilles, s'il vous plaît. Je suis désolé. Excuse-moi, Heather. Donc, Non, il y a une Heather qui est très connue, c'est Heather Locklear. Oui. Ouais, tu disais justement dans. Ouais, dans Melrose Place ou dans Hooker. Ouais, alors dans Hooker, elle a jamais vieilli en fait. Elle a toujours 30 ans. Même à 60 ans, elle a 30 ans. Je sais pas si t'as déjà vu cette actrice. Tu connais cette actrice? Il faut que tu la vois. Heather Locklear. Heather, machin, enfin bref, Locklear. Si, c'est une comédienne très connue. Attends, je l'appelle. Ouais. Bon, en tout cas, bonne chance à vous pour l'élection de Miss Waterloo. Ah oui, Miss Waterloo. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi. Non, parce que c'est. Il faut le dire aussi parce que les auditeurs, c'est pas du tout que t'es à côté de la plaque, c'est que Harry est très souvent en relation avec. Voilà. Le carnaval et Waterloo, et c'est vrai qu'on est souvent aussi. Bah, je fais souvent l'erreur aussi. Eh bah oui, ok. Donc. Voilà, mais désolé. Donc Miss Moucron, donc le 8 avril, donc au centre Marius Taquet. On va faire une petite coupure musicale et on va recevoir effectivement donc les deux prochaines candidates. Donc c'est Nadia et Soline. Oui, et Soline a une particularité. Ouais, alors elle va nous expliquer ça puisque c'est une candidate blanche. Oui, voilà, exactement. Bah, alors que toutes les candidates sont noires. Bah, en tout cas, explique-nous un peu, Marianne, c'est quoi le principe? Voilà. Chaque année, comme j'ai beaucoup de petits-enfants, vous le savez sans doute, j'en ai 15 à des petits-enfants, et puis elles ont participé pour les petites filles toutes dans les Lucioles. Et si, donc, même Soline a participé en étant petite dans les Lucioles, et comme j'ai dit, bah, c'est ma dernière année, eh bien, Soline participe aussi, mais elles ont toujours participé en tant que candidate blanche qui ne pouvait pas gagner puisque si elle devait gagner mais Marianne j'ai apprécié, je crois tout le jury apprécie, c'est que bah oui c'est la famille Arduin hein, quand même qui s'occupe, tout le monde est là, ça ne pourrait pas, c'est même pour elle, je pense qu'aujourd'hui une jeune Arduin qui porterait la couronne ça serait la royauté Arduin et ça mettrait en péril ça je pense être, tout le spectacle de Marianne, Laurent et tout ça, Laurent a une fille aussi qui fait du cinéma et tout ça, bah oui mais c'est des Arduin, bah non c'est parce qu'elle a du talent, c'est parce que bah on a tous un champ relationnel et Fantine. Fantine, pardon, cherchais le prénom et je pense que c'est une bonne action parce qu'il y a plein de jurys, il y a plein de concours, on parlait de concours de Miss Waterloo. Oui, mais je trouve que c'est très juste de ton côté. Parce que moi-même, ça m'aurait gêné, tout en ayant, et je lui dirais en face, elle a plein de qualités. Mais c'est vrai que ça la desservirait de se retrouver devant un jury avec l'ensemble des Arduins en disant bah ouais, mais bon, quelque part, on peut pas non plus faire. Voilà, je trouve ça normal, c'est plutôt bien fait. Elle fait tout comme les autres. Oui, bien sûr. Non, par contre, ce qui est chouette, c'est qu'elle puisse quand même participer. Mais elle prend du plaisir. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Elle se fait respecter aussi, hein, comme les autres. Ah ouais, voilà. En tout cas, eh bien, on va demander à Yasmine et à Ever. Bah, de faire tiens la roulette. Tiens, vas-y, ouais, c'est parti. Allez, vous nous dites stop en même temps, en duo. Quand vous voulez, les filles. Stop. Lio avec le banana split. Ah, excellent. Eh ben pourquoi pas. Allez. Soyons fous. C'est parti. Allez. Bon, allez, on y va. Allez, on est parti. Banana Split, wouh. J'aimerais bien, moi j'aimerais bien que Canon la ferme parce qu'on est à l'antenne. Bah donc. Oh bah dis donc, t'es bien violent là. Voilà. Faut prévenir parce que, alors il y a un peu, vous nous excusez un peu d'animation dans le studio parce que des candidates nous quittent, on est en train de se faire des bisous partout, mais c'est pas un problème. Parle pour toi, bah oui, pour moi. Moi elles ont refusé de faire des bisous. C'est partout, vous pas. Eh bien, voilà. Nous allons être avec les deux dernières candidates, Nadia et Soline. Bonjour. Bonjour Nadia. Comment ça va? Ça va et vous? Alors depuis le temps? 10 ans, bam. Ouais, vas-y, prends ça dans ta dent, t'as plus de 30 ans. Voilà, prends ça dans ta dent. T'as plus qu'une dent en fait, c'est ça? Bah, il vient de prendre 40 ans, prends ça dans ta dent. Tiens, je te rends ton horrible écharpe. Alors, Nadia et Soline. C'est toi, Soline? Oui. Ah, j'adore ce prénom, je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ce prénom, Soline. Ouais. Non, c'est beau. J'aime bien. Ah, moi, c'est la première fois que je l'entends. C'est donc beau, ah, ça va. C'est sympa pour le candidat. J'adore Soline et Nadia. Moi. Mais non, j'aime beaucoup aussi Nadia, mais je préfère Soline. Je suis pas jalouse. Qu'importe. Va. Mais donc, on va commencer par Nadia. Oui. Nadia, qui est chanteuse aussi. Non? Oui, je pense. Il paraît que tu chantes, mais j'ai entendu parler de ça. Non, elle chante, Nadia, elle chante. Il paraît que tu chantes bien en plus. Je l'ai mise en danger pendant le jury. Elle avait dit je chante. Bah, j'ai dit tu peux te lâcher comme ça, capella devant tout le jury. Écoute, elle l'a fait. On est en fin d'émission, on fait nous plaisir. Pousse-nous une petite chansonnette. Tu as des gens illustres ici qui ont chanté à ton micro. Hein. Vas-y, vas-y. Ah oui, moi. Ah. C'est pas rassurant. Voilà. Ah, tu pourrais nous faire un petit truc à capella? Allez, vite fait. Oui. Ça reste entre nous. Hein. Ah ben, allez, on t'écoute. Attends, allez, on t'écoute. Les jours passent, mais ça ne compte pas. J'ai tant de mal à vivre, ivre de ce parfum si différent du tien. Pire, j'ai compté chaque minute qui me retient à lui, comme si j'étais ma propre prisonnière. Voilà. Bravo. Ah oui, c'est trop court. Mais c'est beau, c'est beau, c'est très très beau. C'est Vita, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord, ouais, je connaissais pas, mais j'aime beaucoup. Vita, oui. Ah si. Je connais Vita, mais je connaissais pas cette chanson. Mais, elle a été reprise par Slimane. Ah oui, il a fait super bien. Moi, quand c'est après années 80, mais c'était très beau. C'était très beau. Il a bien interprété aussi. D'accord, moi je connais pas du tout, mais du coup, et c'est quoi le titre? À fleur de toi. De moi? Oui. Oh, Nadia. Tout le pays adore ton prénom. Oh là là. Et ben, tu sais quoi, tu vas tirer une boule à Miss. Enfin, c'est une boule à Sherlock. Et je vais me faire le plaisir de te poser la question. Tiens. Ah, bah, tiens. Ah, ça va. Voilà, je dois. Ouais, tu peux me l'annoncer. Ça lui va bien, ça me soulève. Oh, c'est une question démon déjà. Ouais. Ah. Alors, attention, Nadia. Ah, j'aime beaucoup cette question. D'après toi, et tu nous réponds en toute franchise. Hein. Elles sont toutes parties, d'accord, de toute façon. Parmi toutes les candidates, ouais, elles sont toutes parties quasiment. Mais non, pour rire. D'après toi, Nadia, laquelle des candidates ça pète le plus? Péter dans le sens. Oui, bah, je me la joue. Quoi, je la joue, raconte, quoi. Je la raconte. Elle fait sa meuf, quoi. Tu vois. Pas les flatulences. Hein. Oui, bon. Celle qui pète, à mon avis, elle pète tous. J'essaye de parler de Jones. Celle qui fait sa meuf, quoi. Tu vois. Les flatulences, c'est Joyce. C'est ce qu'ils avaient éclaté. Ils avaient claqué l'année dernière. Ouais, c'est vrai, ça rappelle. Joyce, elle pète. C'est ça. On avait posé la question à Mélanie qui avait fait. Ah ouais, c'est Joyce qui pète. C'est Sylvana, pardon. Alors, Nadia, qui c'est qui se la pète le plus? C'est pour rire. Oula. Ben, franchement. À part toi. Non. Je trouve pas qu'il y en a une qui se la pète. Enfin, oh, ça, c'est pas vrai. J'y crois pas une seule seconde. Elles se la pètent toutes, en fait, elle a dit. Ouais, ils se la pètent toutes, en fait. Mais je trouve qu'elles sont toutes. Allez. Normales. Enfin, je sais pas. Mais... elles sont toutes hyper sympas. Enfin, je pourrais pas répondre à cette question parce qu'elles sont vraiment. Sincèrement, super... quoi. Tu peux pas nous répondre sincèrement, quoi. Non, mais non, tu ne peux pas nous répondre à l'antenne, en fait. Non, c'est de la pure sincérité. Bah, coupe les micros, antenne. Non, mais même ok, voilà, c'est bon. C'est bon, on l'aurait dit. Oui, oui. Alors, qui se la pète? Franchement, non. Elles sont toutes géniales. Elles sont toutes gentilles. Moi, et moi qui ai envie de balancer, c'est vrai que cette année, enfin, je veux dire, par rapport à d'autres, parfois, qui étaient peut-être sous le couvert de Marianne, mais un peu plus hégémonie, plus mise déjà, tout ça, sans forcément la mise qui a gagné, hein, mais je veux dire, justement, peut-être par son naturel, elles sont toutes cool, là. Oui, c'est vraiment, elles s'entendent bien, elles se prennent pas la tête, elles se... Mais dans d'autres élections, oui. C'est pas on a eu des réponses. Ah, oui, on a eu des réponses. Ouais, ouais. Ah, elle se la pète. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Bien sûr. Où on a c'est eu. Pas courir, Athènes, elle se la pète. Ouais, c'était marrant, quoi. Oui, mais donc, oui. Donc vous êtes. Oui. Il y a deux ans. Ah, bah oui, oui, c'est ça. Je crois. On a eu une réponse à un moment. Ah, bah, Athènes, elle se la pète vraiment. On avait l'impression d'être au concours Miss Univers, à sœur des croche-pieds. Eh bien, on va terminer avec Soline. Soline, alors, Nadia, si tu pouvais nous présenter Soline, tu nous dirais quoi? Elle est à ma droite. Elle est super gentille et elle est trop mignonne. On n'est jamais trop mignon. Non, elle est trop gentille. Elle est adorable. C'est vrai, elle a l'air en tout cas. Elle a l'air en tout cas. Alors, il va falloir que tu nous expliques parce que toi, tu te présentes, c'est assez particulier, puisque tu te présentes en tant que candidat blanche. Oui. Mais vous êtes toute blanche. Il faut peut-être préciser aux auditeurs. Ouais, bah, il faut que je précise en quoi ça consiste. Bah, en fait, je participe, mais je peux pas gagner. Ah ouais, tiens, dis donc, c'est curieux quand même, parce que bon, c'est assez frustrant, enfin, tu participes et tu sais que tu vas pas gagner. Bah, je m'en fous. Ah ouais? Et pourquoi tu participes alors? Bah, parce que c'est chouette, enfin, je me fais des amis, enfin, je participe à... Quand j'étais plus petite, je participais à l'élection Luciole Macron. Ouais. Et bah, déjà là, je me suis fait... Encore maintenant, j'ai encore des amis des Lucioles, et bah, j'espère pouvoir faire pareil avec Miss Macron. D'accord. Alors, il faut que tu nous expliques quand même pourquoi effectivement tu te présentes et tu ne veux pas être élu. C'est parce que tu fais partie de la famille Ardurin, c'est ça? Bah oui, entre autres, mais je sais pas comment expliquer. Oui, elle est. Tu te démerdes. Bah, je me présente parce que bah, je trouve ça plutôt sympathique. Enfin, je sais pas. Bah déjà je peux pas gagner parce que sinon ça pourrait être allié favoritisme. Il pourrait. Aussi je suis très jeune. T'as quel âge? J'ai 14 ans. Ah oui donc. Ah ouais. Tu viens à peine de sortir de l'œuf quoi. Bah ouais je comprends. De l'œuf Kinder. Hein? De l'œuf Kinder. Mais ça en fait, là c'est parce qu'elle a 14 ans. Mais si, bah apparemment il y a pas que moi qui rigole donc ça va ça. Mais elle peut pas être dauphine non plus. Non. Rien du tout. Merci Soline. Eh bien Soline qui va quand même sortir une boule à miss. Puisque tu voilà, et bah, je sais pas, Canon va se charger de poser la question. Pour terminer. Avec sa voix de Stentor. De Stentor. C'était le café, ça, Stentor. Allez, je vais prendre ma plus belle voix. Ça aurait pu être grand-mère, mais vaut mieux Stentor. Oh, c'est, Soline, c'est un ange, c'est normal, à 14 ans. Non, on avait dit ta plus belle voix. Dans la mesure où tu n'es. Toi, ta gueule. Et, à ce soir-ci, je peux dire des gros mots. Et, donc, dans la mesure où tu participais à ce concours sous forme, tu ne serais pas blanche, comme on dit. Si tu gagnais, aurais-tu l'intention d'aller plus loin en te présentant à des élections qui seraient régionales ou nationales? En gros, moi, je traduirais, est-ce que bah, si tu as l'occasion de faire peut-être d'autres concours plus tard, alors, parce que Marianne va nous parler peut-être d'une évolution du concours tout à l'heure, qui va prendre vraiment un tournant l'année prochaine. Est-ce que tu comptes te présenter? Est-ce que tu comptes aller plus loin? Est-ce que tu prends ton pied, bah, je dirais, dans ce genre de concours, ou c'est pour vraiment te marrer? Bah, je sais pas trop. Je sais que c'est très les autres élections, elles sont très différentes de celles de mamie. Du coup, bah, je sais pas, en fait. C'est beau, quand elle dit mamie. C'est beau, quand elle dit mamie. C'est mignon. Mais non, je sais pas. D'accord. Bah écoute, je te remercie d'avoir pris mon temps de répondre. Tu avais envie de faire d'autres élections, Bah non, pas forcément. Mais si je t'ai dit non, mamie, je t' ai dit. Si, bah, nous, que... bientôt on va faire les élections présidentielles. Moi, on va les faire. Hein. Moi, quelqu'un m'a dit dans le jury, mais que bon, ta mamie t'avais quand même pas forcé, mais t'avais bien poussé. C'était une occasion, quoi. Bah, lui répéter 360 fois par jour pendant 3 ans. Il faut que tu parles dans le micro. Il faut que tu parles dans le micro, Marianne. Est-ce que je peux me permettre de continuer là-dessus? C'est justement il y a l'évolution de Miss Moucron. Il y aura Miss. Est-ce que tu peux prendre le micro, Marianne? Il y aura Miss Moucron 2018 qui va se profiler évidemment l'année prochaine. Et par contre, il va y avoir des changements. Est-ce que tu peux en parler ou les prémices ou les choses qui commencent à se créer? Donc j'ai tendu la perche à mes enfants, hein, bien sûr, en premier. C'est normal. Et bon, il n'y a personne qui se montre amateur de reprendre l'élection. Parce que c'est vrai, c'est un énorme boulot. Bon, on a toujours, nous deux, été, Philippe et moi, indépendants. Donc, on a peut-être pu gérer, justement, notre temps un peu comme on le voulait. Et nos enfants travaillent, pour des patrons. Donc, c'est beaucoup plus difficile à gérer à ce genre de choses. Et c'est pourquoi j'ai jeté mon dévolu, si je puis dire, sur Christopher, qui travaille depuis 10 ans avec nous, hein, et sa femme Fiona, bien sûr, qui était elle-même candidate chez nous 2 années en suivant, qui connaît très bien notre système, comment ça marche. Et j'espère qu'avec leur jeunesse, parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai quand même 73 ans, à mon mari 80. Bon, ah ouais, voilà, vraiment non. Il vient de sortir de l'adolescence, non. Ah, c'est ça le poil au menton, alors. Ouais, sérieux. On sent le poids de la fatigue quand même. Hein, bon, pas qu'on aime plus. Si on n'avait que le spectacle à faire, ce serait tout rien. Mais c'est toute l'organisation, tout ce qui... Pour faire bien, il faut travailler, je vais dire, parce que toute l'année sur l'élection. Chercher des partenaires, trouver de quoi faire un calendrier. De l'argent, on n'en trouve plus. C'est compliqué. Ouais. Ben voilà, c'est difficile. Hein. Donc de plus en plus difficile. Et on a non plus cette jeunesse pour courir, voir les partenaires, des sponsors et tout ça. Donc j'ai dit, sortir par la grande porte. Et voilà, il vaut mieux que sortir par un trou de souris en faisant les choses à moitié. J'ai changé, moi, parce qu'on parlait de communication parfois, c'est bien dommage, parce que je pense que tous les partenaires qui sont là, c'est vrai qu'on voit quand même des photos avec toutes les mises, c'est quand même valorisant pour un établissement. Oui. Les budgets qui sont demandés sont vraiment académiques, hein. Je veux dire, pour un commerçant, c'est toujours pareil, c'est quand même Miss Moucron. C'est vrai que c'est dommage, c'est dommage que ça se perd, il y en a qui suivent, mais il y en a d'autres où ça devient compliqué. Ouais, j'ai des partenaires depuis 34 ans, hein. On va parler de le 3 depuis le début, ils sont avec nous. Alors que nous, on chie pour avoir des partenaires. Oui, mais ils reçoivent les mises toutes les années. Comme oui, machin aussi, le phénicien, là, Lazare aussi, depuis qu'il est là, établi depuis 25 ans, il est avec nous. On garde nos partenaires, c'est quand même formidable. Si c'était pas sérieux et bien fait, je pense qu'on les aurait plus depuis longtemps. Je suis d'accord. Eh bien, longue vie à Miss Moucron, de toute façon, c'est une institution maintenant sur la ville de Moucron, pour être honnête. Tout le monde parle, c'est un rendez-vous, tout le monde se donne rendez-vous, toujours à la même période pour aller assister à Miss Moucron. Et puis on voit quand même que ça se désemplit pas, parce que par rapport à d'autres élections qu'on peut faire, il y a beaucoup moins de candidats, ça se perd un peu du côté... Il y a trop de comités. C'est ça. Je me tue à le dire, au niveau du Hainaut que j'ai donc cédé à Corinne, elle dit que ça devient très difficile. Avant, il y avait quand même, on avait des comités sérieux. Enfin, je ne vais pas dire que tous les comités ne sont pas sérieux, hein, mais il y a beaucoup aussi de laisser aller, et puis... J'ai l'impression, après je ne vais pas mettre les pieds dans le plat, mais j'ai l'impression que parfois on a même des comités de quartier quasiment. Voilà, et on va élire Miss Quartier, machin. Attention, au début, il y a 30 et des années, c'était comme ça. Chaque quartier avait sa Miss, et venait après à Miss Moucron. Mais ça se faisait différemment. C'était la Miss qu'on élisait à la Ducasse. Ouais, voilà. Donc ça se faisait en 3 jours, il n'y avait pas plus, il n'y avait rien autour. Ici, maintenant, tout le monde veut faire aussi bien que Miss Univers, si on peut dire. Hein. C'est ça, ça ne va plus. Chacun court dans les pattes des autres, trouve les mêmes partenaires. Non, pas forcément, parce que les partenaires qui sont chez nous restent chez nous. Donc mais il faut se battre, il faut toujours se battre, et ça devient fatigant. Ça devient fatigant. Ce qui est dommage, c'est que les villes, pour moi, ce que j'ai trouvé, j'entendais ma métapuie, hein, où ça se passe, Herzog, tout ça, c'est qu'ils n'aient jamais fédéré justement autour de Miss Moucron, quitte à ce que tu aies d'autres partenaires aussi, d'autres personnes, et c'est vrai que c'est dommage. Une grosse élection, quoi. Oui, on s'est respecté, comme avec Christopher qui donc organise l'élection d'Herzog, lui a toujours respecté les territoires, c'est ce que je disais, avec Dautigny. Ça va plus ou moins bien aussi. Mais il y en a d'autres qui courent partout. Il y en a même de hâte qui viennent chercher des partenaires par ici, de Leuze qui viennent chercher des partenaires par ici. Et puis les Miss aussi, ça devient n'importe quoi, parce que tout le monde, enfin chez nos filles, pour l'instant ça ne se passe pas, mais ils vont à toutes les élections partout. Elles ont fini ici, elles vont. Alors, représenter sa ville, c'est quoi? Ça devient quoi? Je suis d'accord. Mais c'est ça, normalement, ça doit rester. Ouais, je t'avoue que moi, j'étais dans certains endroits où pourtant j'en connais beaucoup d'entre vous, enfin d'entre vous, puisque tout à l'heure je parlais avec Demi, je les connais quasiment toutes. Il y en a que je ne reconnais pas et je ne reconnais même plus leur écharpe. Je ne sais plus ce qu'elles représentent, je ne sais même plus d'où elles viennent, je ne sais même plus. Les écharpes aussi, entre la Dauphine, entre la Miss, c'est ah, tu vas bien, machin, je me dis, mais. Ah oui, pardon, oui, mais moi, c'est 2016 à 2017. Moi, c'est tout à l'heure, on sait. Voilà, et c'est vrai qu'à un moment, on s'y perd. Il faut dire qu'ici, on a un accord aussi avec. Donc, on prend. Puisque Herzo, c'est un quartier, Dauphine, c'est un quartier de Moucron, si on peut dire, il fait partie de Grand Moucron. Et on a pris des accords aussi que Étapuis, donc ça, c'était un accord avec Corinne. Étapuis vient chez moi d'abord. Ça, c'est un accord qu'on a pris. Oui. Donc, elle passe par Miss Moucron, la casse Miss Moucron, pour participer ensuite à Miss Hainaut. Donc ah ça, oui, c'est voilà, un ouais, accord qu'on a, donc Dauphine, Herzo et Tapuis qui passe par la casse Miss Moucron. Super. À ce propos, je rebondis sur les Miss, on aura l'occasion, donc c'est pas faire de l'ombre, mais de recevoir les Miss, j'ai pas eu le temps de vous en parler, comme ça c'est fait à l'antenne, les Miss Aluin. Ah bah c'est bien, on va faire une réunion. Ouais, on peut la faire maintenant. Miss Aluin avec le comité avec Miss Gustave, France, et je vais avec qui aime Gustave, beaucoup Sherlock d'ailleurs. Oui. Avec, donc il y aura Reggie, on m'a demandé de faire les chorégraphies et d'être là-bas, il y aura certainement Madame Mitmar. Miss Univers qui Mitonard. Sera Mitonard, j'ai ouais, dit quoi? Pardon, Mitonard, pardon, qui sera certainement. C'est comme si tu dis Edward, bonjour, alors que c'est Heather. Oh yeah! Ça y est, c'est fini. Je suis en train de dire à la radio qui a Miss Univers qui va peut-être venir, elle continue à déconner. Donc voilà, mais bon, c'est moi qui continue. Mais non, mais il y aura Gustave pour toi. T'inquiète pas. On a eu l'occasion de la rencontrer lorsqu'elle était encore elle est adorable. Miss Nord-Pas-de-Calais. Bien sûr. Si vous êtes peut-être au courant, on est jumelés avec la ville de Forêt, de Beuvry-la-Forêt. Donc là, c'est sous le comité de Miss France. Donc Miss Nord-Pas-de-Calais est toujours présente, donc on a pu la rencontrer quand elle était encore Miss Nord-Pas-de-Calais. Ah, yes. Absolument. Ah, c'était fameux quand même, c'était une belle surprise. Ah, pour Ce que je viens de dire, c'était c'est pour les chorégraphies, c'est vrai? Ah, mais je te crois, mais volontiers, bien sûr. Voilà. Voilà. Un petit mot peut-être aussi pour les comédiens qui participent comme chaque année. Donc on a bien sûr dans le rôle de Garou, c'est mon fils David, dans le rôle de. Aide-moi un peu, Philippe, de Frelon, c'est Fred Asmond que tout le monde... Ah bah oui, aussi, évidemment, hein, de la Frégate. De la Frégate. Bien sûr. Alors, on a donc Clopin, qui est mon beau-fils, Joe. Ouais. Alors, dans le rôle de... Je te le dis, je continue. De Phébus, donc. Et à l'époque. C'est qui dans le rôle de Phébus? Dans le rôle de Phébus, donc du temps de Mimsy, c'était Fabien qui avait joué le rôle de. Ah, tiens, ouais. Et là, c'est qui là? C'était Fabien, puisqu'il était Mystère. Non, il joue le rôle de Mimsy. Et donc, ici, cette année, donc, c'est Jimmy. Jimmy Deloff. Jimmy qui joue aussi au théâtre donc, du lointain aussi. Donc c'est une petite équipe quand même de comédiens là, qui sont avec nous. Ah, ça va être sympa, ça va être sympa. On va bien s'amuser. Et Christopher, bien sûr, qui assume le rôle du poète Gringoire. Gringoire, oui, c'est Gringoire. Voilà. Ben oui. Il est venu le temps, les cathédrales. Et ils vont chanter ou pas? Cette chanson-là, elle est pas dans le registre de notre pièce. Ah. C'est un mélange, en fait, aussi du dessin animé. Ah, donc, on a pris pas mal de chansons qui sont très belles dans le dessin animé, des musiques qui sont très belles. Mais il y a différentes musiques. J'ai pas forcément de Notre-Dame de Paris. Hein. Non. Alors, puisqu'il y a... On a Michael Jackson. Ce qui serait bien, c'est que tu parles dans le micro, Onissa, ce serait bien. Voilà. Bah, on va t'apprendre à être animatrice, un de ces quatre. On a des musiques de l'opéra rock Mozart. C'est pris un peu partout. Ce sont des chansons, mais c'est de la chanson française, et qui peuvent être intégrées, parce que comme on a réinventé l'histoire de notre... drame de Paris, bien sûr. Il y a des choses qui se passent dans la tête de Frelon. Parce qu'il s'appelle Frelon, il ne s'appelle pas Frelon. Il s'appelle Frelon. Parce que c'est Frelon, normalement. C'est Frelon, oui. Et là, c'est Frelon. Là, c'est Frelon. Hein. Est-ce qu'il va y avoir au moins le zizi de Pierre Perret dans la comédie? Non, même pas. En photo, non. Non, mais il n'y a plus personne qui veut l'entendre, cette chanson. Hein. C'est terrible. Hein. Même en anglais, le zaï-zaï, ça passe moins. Zaï-zaï. Par contre, il n'y a aussi même pas peur de Patrick Sébastien. Je connais moi par contre, mais ça promet. Mais connaissant de toute façon l'humour de Marianne et Philippe, ça va être un beau spectacle. Oui, donc, ce sera un il faut, alors, dépêchez-vous parce que c'est, sans bien de rien, c'est dans deux semaines. C'est dans deux semaines. C'est le 8 avril. Bon, si vous voulez plus d'informations, donc, renseignez-vous sur Facebook, évidemment, sur Internet, j'imagine que... Si on va sur le site missmoncron.be, oui, voilà. On peut trouver facilement. Mais faites vite parce qu'il reste très peu de place. Si vous avez envie d'encourager différentes candidates, que ce soit Nadia, que ce soit Soline, que ce soit Yasmine, Iver. Oui, il faut aller sur le site missmoncron.be. Voilà, il y a toutes les candidates qui sont vous là. Vous avez toutes les photos, toutes les sorties. D'abord, les photos de cette soirée ici seront... Peut-être sur si j'ai le temps demain de les mettre dessus. Ah ben bien sûr, oui, c'est mon côté commercial. Derrière la sympathie, c'est vrai, c'est missmoucron.be. Oui. Parce que si des gens nous écoutent et veulent nous retrouver, derrière tout ça, c'est que voilà, c'est missmoucron.be. Et là, donc, vous avez accès. Il y a un grand F là. Voilà. Vous avez tous nos partenaires. Voilà, vous avez tout. Mais, aussi, mais par missmoucron.be, vous trouvez tout et vous retrouvez les Facebook et comment commander, comment payer ou pas. Ou bah, dans tous les cas. Et vous retrouvez toutes les candidates surtout. Pour faire une idée, vous les avez entendues. Vous ne les avez pas forcément vus. Avec un photographe aussi qui a couvert, on peut en parler, et qui a fait une très très belle affiche, parce que ayant cette sensibilité, je trouve qu'il a très bien travaillé, et qui est, j'ai plus son nom. Jean-Yves Levaux, qui a fait... Jean-Yves Levaux. Qui nous a proposé un nouveau style, et c'était... J'ai tout... Ah, c'est plus moderne, c'est les experts à Miami, la photo, c'est bien. Ah oui, elle est belle, cette photo. Ah oui, mais elle est très très belle. Franchement, elle est très très belle. Du craft standing, c'est ça. À tel point que je vous ai même pas reconnu des candidats. J'ai vu la photo, il faut dire qu'au départ, elles étaient toutes en noir. Hein. On les a d'abord présentées en noir, en nombre. Sauf la candidate blanche. Ouais. elle a été ajoutée par après, parce qu'elle n'est même pas sur la photo. C'est vrai que... Ah oui. Bon, hé, les amis, il va falloir qu'on rentre d'antenne, parce qu'évidemment, il est 11h moins le quart. Oui, mais avant, on va juste quand même rappeler l'apéritif repas. Oui, parce que tu la radio, tu trépignais, tu étais là en train de me taper du... comme ça sur je te le côté, frappe pas nulle part. En me disant, ouais, il faut que je parle de l'apéritif repas, vas-y, parle-en, puisque toi, tu en meurs d'envie d'en parler, évidemment. Ah bah, on y sera quand même, c'est l'occasion pour les auditeurs de nous rencontrer. Oui, le dimanche 2 avril, à partir de 11h, donc vous pouvez vous boire un verre ou participer au repas quand même, hein. J'adore comment tu fais la promo, on dirait que t'as pas envie d'y aller. Bah non, mais bah alors, ouais. Justement, si vous voulez venir nous voir, vous êtes pas sympa avec moi, si vous voulez mettre un visage sur ces voix que vous entendez chaque semaine à la radio. Mais dis pas que tu y seras, parce que sinon, ils vont pas venir. Hein. Bah, si ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Si vous venez, vous me verrez ou pas. Voilà. Parce que je serai derrière vous, en fait. Mais, tu vas nous mettre un beau t-shirt. Hein. Je vais essayer, ouais. Parce qu'on a même pas vu ton t-shirt ce soir. Okay. Bah, tu montreras pendant la coupure musicale. Ah, oui. Des t-shirts tout le temps. Ouais. Improbable. Mais on les aime bien quand même. Donc voilà. L'entrée, enfin le prix pour l'apéro repas, je crois que c'est 17 euros. Oui, oui. Avec c'est vraiment un prix démocratique. Ouais, cochon à la broche, pommes de terre, couvert, pain, sauce. Ouais, vous le faites à chaque fois, donc je dis mais c'est bon. On le fait. Et pour celui qui n'aime pas le cochon. Ah, en même temps, hier, le sac. Il y a du gigot d'agneau. Il y a du gigot d'agneau. Sans les flageolets parce que c'est de la cochonne. Oui, mais moi j'assume. Ok, ben voilà, donc n'hésitez pas, évidemment, rendez-vous donc le 2 avril. Donc le 2 avril, donc la centre. La centre à la centrale. À la, ouais. Bah, vous allez où au centre le 2 avril, on s'en fout. À la salle bleue. À la salle bleue, donc au centre. La salle bleue. Au centre expo donc de Moucron. Ouais. Et nous, il va falloir qu'on se quitte là-dessus. On remercie évidemment donc Philippe et Marianne d'être venus et nous présenter toutes les candidates. Et évidemment, à toutes les candidates qui sont venues se succéder dans l'émission, on vous souhaite une bonne chance pour l'élection donc de Miss Moucron. Nous, on y sera, évidemment. Ah ouais, et un beau show. Hein. Et un beau show, évidemment. Et puis, ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Même heure, même antenne, et on sera avec Stéphache. Ah oui, c'est vrai. Pour le défi Miss 80. C'est juste. Alors pour les Miss qui veulent venir la semaine prochaine, vous verrez, c'est un DJ qui mixe en live. On tire des titres au sort, mais lui, il les connaît pas à l'avance. Et lui, il se démerde en fait avec ce qu'on lui donne. Hein. Mais alors parfois, c'est pas le clou. Hein. Ouais, malheureux. Mais il assure toujours bien. Eh bien, bah, d'ici là, portez-vous bien. Et puis... à la semaine prochaine, ouais. même antenne, et restez à l'écoute évidemment de RQC, puisqu'on émet maintenant 24 heures sur 24, et vous aurez le meilleur de la musique des années 80 à partir de maintenant. Voilà. Oh yeah. Et on se quitte avec Limal et The Never Ending Story. Ah ouais. L'histoire sans fin. Il a les problèmes de lecture, lui. Oui, il est mal. Belle, hein. Ouais, c'est vrai. Oh. Allez, c'est parti. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Merci à vous. Bisous.